Nous sommes le 5 de Rouille 1130. Vous êtes actuellement en repos avec A-League. A-League, hein, c'est évidemment votre mentor qui, depuis 6 mois maintenant, vous forme et a pour mission tout simplement de vous apprendre au moins les bases de ce qu'il faut connaître pour être métropolite. Donc vous êtes dans une soirée, la nuit est plutôt bien avancée et vous êtes en compagnie d'Ailing. Vous êtes dans une taverne qui se situe en basse haute ville. C'est-à-dire que vous êtes en haut de la basse ville, si vous préférez. Donc vous n'êtes pas vraiment dans une taverne très chic, c'est plutôt le contraire. Une taverne sans être totalement crasseuse et ce genre de choses, mais c'est une taverne très... vous sentez qui fait avec les moyens du bord. Un peu de fortune. Il y a actuellement, non loin de vous, vous êtes assis sur une espèce de banquette. Banquette faite avec tout simplement de la fleur des crimes qui est transformée en une espèce de tissu. Et il y a un conteur du coup non loin de vous qui est en train de raconter une histoire. Ce conteur, depuis maintenant au moins 15 bonnes minutes, parle fort dans la salle et raconte ce qui pour lui est l'origine de les crimes. C'est-à-dire une origine de la Terre qui meurt, c'est l'épreuve, la preuve ultime que la Terre est en train de mourir et qu'il ne restera plus rien après ça. Vous savez que c'est une des hypothèses très communément admises, ce qu'on appelle la théorie de la Terre morte fait pas mal parler d'elle comme théorie alternative à la théorie officielle que vous connaissez, qui est celle que les crimes est tout simplement une invention scientifique qui a très mal tourné. Voilà, il raconte son histoire. Vous savez que les conteurs c'est quelque chose de très commun. Et il raconte son histoire et tout simplement avec beaucoup d'emphase, il parle fort, etc. Et à côté de lui, un musicien s'est réuni pour jouer un peu de trombone de manière assez très calme. C'est une mélodie très douce au rythme très lent qui permet à donner à cette soirée un peu de mélancolie, de calme. Ailing est assis face à vous trois. Votre ami Victor, quant à lui, est parti pour des raisons familiales, devoir résoudre une affaire. Du moins, c'est ce qu'il vous a dit. Ailing, du coup, est face à vous. Et posée face à elle se trouve une petite machine. Pardon. C'est un instrument comme les autres. Donc une petite machine en fait qui pompe et qui tout simplement contient de l'opium que Ailing fume sans gêne et d'ailleurs vous propose à chacun d'entre vous au fur et à mesure de la soirée. D'ailleurs j'aimerais savoir qui consomme de l'opium parmi vous. Sachant que, je l'indique, dans l'univers des crimes, l'opium... n'est pas quelque chose d'illégal absolument horrible, c'est une drogue certes, mais elle est très commune, elle est très acceptée, au même titre que par exemple, une des boissons les plus communes dès qu'on rentre un peu en ville, c'est l'absinthe, voilà. Eh bien dans ce cas-là, pourquoi pas? Très bien. Avec modération toutefois. Moi aussi j'en prends, écoute, il n'y a aucun problème à ça, donc... Voilà. Hugo, tu en prends? Pas forcément avec modération, mais... Très bien. Donc elle fait tourner parmi Esther et Cornilov. Hein. Tout simplement, elle tire sur la pipe qui est liée en fait à cette petite machinerie. Et ensuite le transmet à l'un de vous deux. Esther, comme tu l'as dit, tu vas plutôt consommer avec modération. Ailing aussi, hein, elle est pas là non plus pour partir sans marcher droit. Quant à toi, Cornilov, tu vas être sûr qu'il tire un peu plus souvent sur la pipe. En tout cas, voilà, elle est face à vous, cette petite machine sur la table de métal. Et elle vous dit tout simplement... Ah ! Je suis content qu'on passe enfin une soirée ensemble. Vous savez, mes groupes ont toujours réussi. Enfin, j'en ai eu que trois. Mais mes groupes ont toujours réussi parce que on prend des pauses. C'est l'erreur que font pas, enfin que font justement les autres. Ils prennent pas de pause. Et ne pas prendre de pause... C'est comme ça qu'on rate les examens. Alors, croyez-moi, profitez vraiment de la soirée, je veux dire. Écoute, bon, ces histoires sont pas très intéressantes, mais écoutez-les et vraiment posez-vous, vous allez voir, C'est bien. Je... Enfin, après. Oui, vos autres groupes. Oh, bah jusqu'à présent, j'ai un taux de réussite de 100%. De toute façon, j'ai pas le choix parce que sinon je serais exécuté. Mais j'ai pour le coup réussi à avoir un. On a. Mon premier groupe là est pas mal gradé. Il a réussi à monter dans les échelons. Les autres stagnent un peu, mais ils sont quand même de bons métropolites. Est-ce qu'on a suffisamment consommé pour subir les effets directs de la drogue? Ou est-ce que c'est vraiment. On a à peine touché et du coup tout devrait aller? Pour l'instant, vous consommez depuis pas très longtemps. Vous êtes installé pas si longtemps que ça dans cette taverne. Mais voilà, effectivement, vous aurez un petit effet de bien-être pour la suite. D'ici, nous verrons une heure. Donc. Et grâce à... Bon. Qui veut bien me parler un peu de lui? Ça permet de créer des relations et d'avancer ensemble, tout simplement. Pardon. Ah oui, parlez-moi un peu de vous. Attendez, ça fait quand même... deux teintes qu'on est ensemble, on n'a pas pris beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé au début, enfin, je sais ouais, pas. Bien sûr. HRP, est-ce qu'à ce moment-là, avec Kornilov, on a déjà commencé à se fréquenter et aller boire des oui. coups et tirer okay. Oui. Mais on est d'accord, c'est pas le genre de truc à raconter. Aux personnes de confiance et que tu apprécies. Okay. Après, effectivement, si tu dis ça au mec au coin de la rue, tu sais pas comment il va réagir. Oui. Je sais pas trop quoi vous dire, moi. Toutes les journées se ressemblent un peu. Je passe mes journées à étudier et à bricoler des trucs. J'aime bien bricoler des trucs. Tu bricoles quoi? Tout ce qui passe. J'ai fabriqué un petit lézard récemment. Oh. Mécanique. Enfin, j'ai... fabriqué des... des prothèses pour un lézard que j'ai retrouvé. Tu t'es senti en empathie vis-à-vis de ton bras? C'est à peu près ça. Et ça m'aide aussi vachement à concevoir que de travailler sur un... plus petit projet, moins ambitieux avant. Je comprends. Très bon travail, hein, si c'est toi qui l'as fait pour ton bras. Merci. Tu vois qu'elle prend l'opium, qu'elle retire un coup. Malheureusement, certaines améliorations sont encore à faire. Il n'est pas parfait. Ah, évidemment. Puis de toute façon, avec le prix des ressources, je peux comprendre que tu mets du temps... Ouais, c'est sûr. Tout ça. Heureusement, grâce à ça, j'ai un ami, Jacob, qui travaille à l'usine et qui me permet d'en avoir à un prix réduit. En fait, j'y travaille aussi, officiellement parlant, même si j'y passe très peu de temps ces derniers temps. Ah, donc tu vas accumuler deux travails. Pas vrai, c'est pas vraiment, comme je dis, l'usine, c'est plus... comment dire, je supervise de loin, disons. D'accord. Mais... Bon, je peux vous le dire, oui, mais en effet, c'est bel et bien là que j'ai commencé à travailler au tout début. Oh. Et ouais, je viens de loin, vous savez. Enfin bon, Kornilov, à votre tour, parlez-nous un peu de vous. Oh, de moi, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Oh. Ce que j'ai raconté, je l'ai déjà raconté à qui voulait bien savoir. C'est juste. Je viens de Lansk et j'ai plus ou moins marché toute ma vie et me voilà à Venise pour vivre le grand rêve, c'est tout. Ouais. C'est ce qu'ils disent, ouais. Avec la soirée passe, vous continuez à discuter. Est-ce que vous entamez un sujet particulier qui vous intéresse ou est-ce que vous parlez juste normalement pour faire discussion? Eh bien, nous pourrions parler éventuellement, j'imagine, c'est un peu ce qui nous relie tous du ministère de la propagande. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, une question, quoi que ce soit, tu pourrais lui poser directement, pas OMJ, bien entendu. Pas vraiment, non. Enfin... Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu, pardonnez-moi l'expression, mais oppressant Vous disiez que si jamais l'une de vos équipes avait échoué, vous ne seriez sans doute plus là. Oui. Disons que je suis pas vénitienne, bon, allez, je me livre un peu, mais bah, je pense à soi, mais j'ai vécu quasiment toute ma vie comme pirate et mon groupe, c'est enfin, j'aime pas trop de parler de ça, mais mon groupe s'est fait attraper et tuer. Je suis la seule survivante et ils m'ont proposé un marché. Je travaillais pour le ministère, m'empêchant d'ailleurs de gagner quelques grades. Je ne peux être que mentor et faire les missions de bas niveau. Et en échange, ils me laissaient la vie sauve. Sauf que bah, il me faut un taux de réussite avec un certain groupe pour qu'il me laisse. Et vous êtes le dernier groupe qu'il me faut, donc je compte un peu sur vous, pour être honnête. Enfin voilà, après, c'est pas... Estimez-vous bien heureuse, c'est déjà bien libéral de leur part de vous avoir laissé en vie. Oui, oui, on peut entrevoir comme ça. Je dois avouer que... Les pirates sont des vermines qu'il nous faut exterminer jusqu'au dernier, enfin... Nous ne pouvons pas laisser des gens entraver le commerce de cette façon. Non, je ne pense que ce n'est que... Vous n'êtes pas payé au moins quand même. Je pense que c'est pas une sorte de peine, non, si j'ai... Ah ben je suis bien évidemment payé, encore heureux. Je compte bien survivre, attends, soit un peu dans cette ville. Non, et puis... Les pirates ne sont sûrement pas ce que vous pensez être. Vous n'avez sûrement jamais croisé. Vous n'avez sûrement jamais. Ce sont des hors-la-loi et des vagabonds. Ça me suicide un peu. Disons qu'on n'est pas toujours hors-la-loi. Enfin, ça dépend du coup vis-à-vis de qui. Mais bon. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bah, Hugo, vous n'avez pas parlé de vous. Parlez de vous plutôt. Moi, eh bien, je m'appelle Hugo. Merci, mais ça fait quand même deux teintes que nous nous connaissons. Votre prénom me n'est pas inconnu. Allez-y, parlez un peu, discutons. Enfin, je veux juste passer une bonne soirée avec vous, vous détendre. Il n'y a pas à être sur la défensive comme ça. Et puis honnêtement, avez-vous déjà vu la dernière représentation de l'ange aux ailes dorées de Blackoff? Non, faut dire que je suis pas très attiré par l'art visuel. Je trouve ça un peu surfait dans un tel contexte. Visuel, c'est la beauté du texte, madame. Si nous parlons de théâtre. Nous ne sommes pas, des simples saltimbanques qui font des pirouettes dans la rue et qualifient ça d'art. Non, madame, nous parlons de thèse, de lyrisme, de poésie, madame. Non, vous trompez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même impressionnant, quoi. On peut voir que, quand même, ces comédiens ont été sélectionnés sur le volet. Et je pense que, très clairement, c'est un énorme coup de Blackoff ici qui nous délivre un véritable chef-d'œuvre. Je pense que. Si j'ai... Enfin, bon, certes, il est vrai que certains, notamment figurants, ont tendance un peu à faire durer le verre, alors que, bon, nous savons très bien que c'est dépassé comme mode, mais bon, que pouvons-nous il faut bien nourrir quelques, retraités de la fonction, si je puis dire. Mais moi, ce que je trouve véritablement intéressant, c'est le parti pris vis-à-vis de l'ange et de son personnage. Enfin, c'est pas... Non, vous aimez le théâtre? Je suis très fan de théâtre. Je crée moi-même du théâtre. Je sais pas si vous allez souvent au théâtre, mais c'est quand même quelque chose de très, très, important chez moi ou dans ma vie. Et je peux dire, peut-être, avez-vous déjà vu, entendu parler de certaines de mes pièces? J'ai eu certains modestes succès, si je puis dire, dans certains théâtres de la ville. Bon, n'exagérons pas, n'ai pas été non plus joué dans les grands théâtres de la Haute-Ville, mais il faut dire que Bon, même si le metteur en scène n'était pas très en accord avec ma pensée, et que la troupe de comédiens était totalement amateur, je dois dire, les véritables connaisseurs ont su apprécier. Non, n'avez-vous jamais entendu parler de... Je ne suis pas très passionné de théâtre, vous savez. Pas beaucoup, enfin, que faites-vous de votre vie? Je ne comprends pas. Je survis. Si comment peut-on vivre sans aller au théâtre? C'est quand même. C'est, bien. On le vit bien. Non, mais je trouve ça passionnant. Et honnêtement, si vous voulez, un jour qu'on aille voir une de vos pièces, ce serait avec plaisir. C'est juste que je n'ai pas eu le loisir de m'autoriser ce genre de moment. Mais avec plaisir, ça nous changera de service de taverne, vous savez. Je connais des personnes dont la compagnie est délicieuse. Parmi certains, dramaturges, je peux vous dire que nous avons des personnes très originales, si je puis dire. J'imagine. Et vous, vous n'avez jamais fait de théâtre, je ne sais pas, chez les pirates Non. Détrompez-vous, les provinces rhodésiennes sont réputées pour certaines de leurs œuvres théâtrales et surtout accessibles pour la plupart. Il faut avouer d'ailleurs que notre style est très emprunté au style vénitien, notamment l'accès au théâtre, même pour les plus démunis, chose qu'on vous a allègrement copiée pour le meilleur, je pense. C'est bien que n'importe qui puisse y avoir accès, notamment les enfants. C'est une bonne chose. Venise, après tout, est une cité d'artistes. Enfin, non, parlez-vous de ces guignols et compagnie, de Commedia dell'arte? Non, moi, je vous parle de véritable théâtre. De vers, de tirades, de déclarations, de héros, de dieux, de Deus Ex Machina. Enfin, vous ne pouvez pas vivre sans faire de théâtre, véritablement, quand même, ma très chère... Alig, si vous me permettez que je vous appelle par votre prénom, monsieur. Ça fait déjà deux teintes qu'on s'appelle ainsi, mon cher Hugo. Très bien, madame Alig, oui, excusez-moi, mais... Oui, si vous me permettez, bien sûr que je vous appelle ainsi. La soirée se passe. La conversation va continuer. Entre tous. Ça continue de parler théâtre, ça va parler d'autre chose, ça va passer. Les quelques heures vont passer dans cette taverne. Le musicien est remplacé par un autre. Le conteur, lui, raconte une histoire aux tablés qui veulent bien l'écouter. Enfin bref, la soirée passe. Et au bout d'un moment, de ces quelques heures, sachant que l'opium a fait effet... Et donc, par conséquent, ceux ayant consommé sont dans un état de bien-être plutôt important. Vous avez Heidi qui propose, en parlant un peu plus doucement, bien entendu, histoire de ne pas se faire trop entendre, parce que malgré tout, elle est quand même consciente de ce qu'elle fait, d'aller au fameux club de tir où Kornilov et Esther traînent. Alors, on a déjà entendu parler ici et là. Après tout, encore une fois, elle passe énormément de temps avec vous pour le travail, donc forcément, au sujet d'une discussion. Les gens de confiance ont toujours accepté, ça vous le savez. C'est juste, en fait, vous êtes garant de ceux que vous emmenez. Bien sûr. Moi, je dis jamais allons-y. Comment ça? Après tout. Ah, vous verrez, Hugo, un coin très sympathique, sûrement à votre goût. C'est vous le dites. Elle est contente et du coup. Elle avait déjà tenu un pistolet une fois. C'était du toc, bien sûr, pour une pièce, mais c'était fort intéressant. Et ben, ça fera la deuxième fois. Elle est en route. Du coup, je disais, elle se dirige tout simplement vers le tavernier, lui glisse quelques pièces qui sont des liges sur la table et qui semblent payer pour vous tous. Et toute heureuse de vivre un instant avec vous, tout simplement, se rend dans la rue en votre compagnie. Vous allez devoir descendre quand même un peu, au moins pour marcher bien... fortement, c'est à quelques heures d'ici. Et Hailey propose de manière très détachée, on sent que l'opium fait effet, très heureuse de tout ce qu'elle fait, d'utiliser, bien qu'il n'y a pas nécessité, le wagon réservé aux gens de la haute quand ils veulent descendre en bas. Vous montez du coup dans un de ces wagons. Pour être honnête, c'est pas la première fois, mais c'est une des premières fois où vous êtes monté là-dedans. Vous connaissez un peu comment ça se passe, mais vous n'avez pas encore le droit, vous, de les utiliser. Dites-vous qu'un jour, ce sera notre quotidien. J'espère bien. À ces mots, Ellie rigole, non pas de façon moqueuse, bien entendu, mais d'une joie partagée. Et pendant que vous descendez, je vais demander, du coup, à Mêlée. Esther. Comment tu te sens? Quels sont tes sentiments à l'heure actuelle? Eh bien, je vous avoue que je pensais pas que la vie de Métropolite serait aussi, aussi joyeuse que ça. Finalement, on a un peu accès à une espèce de liberté que les gens de la basse ville n'ont pas et ne goûteront, et auxquels ils ne goûteront sans doute jamais. On passe par là où ils n'ont pas le droit de passer, on consomme ce qu'on veut, comme on le veut, sans même avoir à le payer. Je vois que je suis prêt à essayer de jouer de la gâchette et de me faire remarquer en public. Un excès de confiance en soi. Très bien. Merci pour cette déclaration. C'est noté. Vous descendez. Au bout d'un moment, elle arrête le wagon et vous devez tout simplement vous rendre au bar. Le bar, hein, vous l'appelez l'hurleur, hein, parce que c'est ainsi qu'il est surnommé parmi les connaisseurs, et ça évite de dire « Eh, viens, on va tirer dans un endroit illégal. » D'où vous l'appelez l'hurleur. Ceux qui savent ce qu'il y a dedans le savent, les autres se disent juste que c'est un lieu comme les autres. Et vous rentrez... oui. Vulgaire. J'ai pas compris, pardon, excuse-moi. Je disais que c'est tout de même assez vulgaire. En effet, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, tu es totalement dans le vrai, Hugo, parce que quand vous arrivez... déjà, la bâtisse est à moitié de travers et ne tient pas forcément très bien. Vous dites à tout moment, ça pourrait s'effondrer. Mais bon, en basse ville, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Et encore, je ne parle pas de l'extrême basse ville. Mais vous rentrez du coup dans ce bar bien assez vulgaire et surtout vide. Il n'y a personne, alors que d'habitude il y a toujours quelques habitués, et au moins vous suspectez des gens qui gèrent ça. Là il n'y a personne, mis à part bien entendu le tavernier derrière son comptoir qui est en train de nettoyer. Comptoir qui est assez extraordinairement propre, hein. Beaucoup trop propre pour ce qu'il en est. Vous dites que ça fait quand même quelques heures qu'il doit être bien en train de nettoyer le comptoir par ennui. Vous arrivez vers lui. Vous vous installez et il lève la tête. Le tavernier, vous le connaissez. Excusez-moi, j'ai raté ma phrase. Le tavernier, vous le connaissez, il porte un nom. Il s'appelle Sofiane Osbalik. Je vous écris ça, bien entendu, vous inquiétez pas. C'est un homme de 40 ans, qui a un visage très ridé, très avancé, une moustache assez présente. Et... Le point, en fait, qui vous a toujours étonné chez lui, c'est un Istanien, comme Kano, pour parler maintenant de personnages que vous représentez. C'est un Istanien, mais qui est très pâle, en fait. En fait, une couleur de peau, on peut le dire, blanche. Hein, ce qui est assez surprenant, parce que la plupart du temps, les Istaniens sont effectivement de couleur de peau foncée. Il est tenancier depuis que vous connaissez hein, l'hurleur. Hein, et... Pour définir son caractère, vous savez que c'est un homme qui parle peu, qui, d'ailleurs quand il parle, il articule peu, il est toujours en mauvaise humeur, mais il est très serviable. C'est-à-dire qu'il va vous râler dessus, mais il vous donnera absolument toujours tout ce que vous voulez. Vous avez toujours composé avec lui, hein. La première fois peut-être vous avez été impressionné par sa mauvaise humeur. C'est jamais toujours agréable d'avoir une canard de mauvaise humeur qui nous parle, mais finalement vous êtes habitué et maintenant sa mauvaise humeur est limite attachante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre quand il y a une mauvaise humeur, faites ah bah c'est normal quoi, il y a une mauvaise humeur. En tout cas, voilà, c'est Sofiane du coup Osbalik que je vous écris juste là. Et il lève la tête lentement, vous voyant. Il fait « Ah bonsoir. » Vous voyez que son regard se dirige principalement vers Esther et Kornilov, hein, puisque ce sont les habitués. Salutations, quand, ami. Quand il se porte sur Eilig et Hugo, c'est un regard plus d'interrogation, mais il vous voit juste à côté. Il comprend que c'est pour vous des gens de confiance, donc il pose pas forcément de questions. Bien le bonsoir. Vous venez pour l'habituel. Ouais. Oui. On a un petit problème ce soir. J'ai une pénurie. On n'a plus de quoi boire et du coup, on n'a pas non plus la fourniture du matériel. Que c'est dommage, nous allons devoir entrer, c'est fortuit. Nous allons rebrousser chemin. C'est bien dommage, j'aurais tellement apprécié. Désolé de vous contredire, mais si je peux me permettre, maintenant qu'on se connaît, Aster ? Oui. Oui, excuse-moi, je vois beaucoup de gens. Et... Kornilov. Ouais. Exactement. Ça fait un petit moment que vous êtes là et je n'ai pas le droit de sortir de ce comptoir si, parce que je dois toujours. je dois toujours être là pour servir. Cependant, si je peux. Me permettre de vous le demander, je sais que mon chef est d'accord. J'aimerais vous demander service et en échange, on est prêt à vous offrir un mois de nos services gratuitement. Je regarde Kornilov. Une lune, hein, je voulais dire, bien entendu. Oui, nous avons tous compris cela. J'imagine que tout dépend du service. Après tout, un emploi du temps assez chargé en ce moment. Rien de dangereux ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous mêler des affaires de nous. On vous demande juste d'aller voir notre distillerie qui nous donne l'alcool et de demander quel est le problème. Et peut-être aider la personne là-bas, mais... on vous demandera pas quoi que ce soit qui puisse déranger votre personne. Et qui laisse passer un petit soupir après, comme s'il est en train de faire un effort pour paraître très très aimable ce soir-là. Pour une messager, c'est rien, non ? Dis-je en regardant mes compagnons. Oui. Une lune offerte. Vous pourrez venir consommer comme d'habitude gratuitement. Bah voyons qu'il n'y a que Esther qui répond à ma demande du reste du groupe. Je fais bon, bah alors j'imagine qu'on est partant. Tu vois Ellie qui se pose. Ok. J'imagine aussi. C'est sûrement très bien, mais de ce que je sais, les gens qui gèrent ce genre d'endroit, excusez-moi monsieur, ne sont pas forcément des gens de bonne réputation, excusez-moi monsieur, je suis quand même métropolite, enfin genre je peux me permettre certaines choses tant c'est caché, mais si jamais, vous comprenez, ça s'entendrait que je serais en train d'aider des gens de cette réputation-là, ça pourrait être pas très bien, surtout moi qui ai une menace de mort sur, vous comprenez. Après, je peux vous attendre ici ou remonter et vous offrir une boisson si vous voulez. Enfin, on peut rester ensemble. Je veux absolument pas vous lâcher. Je sais pas. J'aime pas être stressé. Dites, parlez ou je parle. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on a à craindre vraiment ? Concrètement, ça n'arrive jamais de se faire. Non mais attends, Esther, c'est vrai que maintenant qu'elle dit, Et on n'est pas loin non plus de devenir métropolite nous aussi. Faudrait éviter qu'on ait trop de problèmes. Je veux dire, si on veut pas rester des bleus toute notre vie, une fois qu'on y sera. Mais c'est sans danger, non? C'est juste livrer un truc. Sans danger, mais les murs ont des yeux et des oreilles. Et les oreilles ont des bouches pour le répéter aux gens. Ça sera sûrement sans danger. Je ne sais pas encore quelle est l'origine du problème. Peut-être qu'on vous demandera un peu plus. Mais après, je peux comprendre pour vos réputations. Mais si je peux me permettre, vous deux, vous êtes encore sans souci de réputation. Bon, madame a l'air d'être un peu plus gênée. Les menaces de mort, tout ça. Bien. Je me plierai au choix de mes collègues. Il est au courant. Oui, non. Je parle tout seul. Bon, deux lunes offertes. Un joueur de Corniove. Deux lunes, hein. Deux lunes et je reste avec la dame et vous la récupérez quand vous repassez. Ouais, c'est pas rien de lune quand même. C'est vrai que je suis bien. Bon, je dirais que ça me va. Mais il va falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'on soit pas trop sapé non plus. Dis-je à l'intention de mes compagnons. Parfait. J'acquiesce. Et je me tourne vers Hugo. Pendant que Hugo est dans ses pensées, j'aimerais connaître les pensées de quelqu'un d'autre. Mon cher Kornilov, on vient plus ou moins de dire que voilà, vous venez d'accepter, etc. Tu viens de passer une soirée au bar, tu viens d'arriver, tu viens d'apprendre tout ça, etc. Voilà, je te refais pas tout ce qui vient de se passer. Dis-moi du coup comment tu te sens, comment voilà tes sentiments en ce moment, ce genre de choses. Eh bien, actuellement, eh bien, faut dire que je suis un peu comme tous les gens qui ont pris un peu d'opium dans ce groupe. C'est-à-dire que je suis dans un bon état d'esprit, je dirais. Mais l'opium n'est pas suffisant non plus pour me faire oublier, disons, le risque de réputation que j'ai à rendre service à cet endroit. Y aller, je veux dire, bon, ça peut passer, tu vois, même être vu y aller, je dirais, bon, voilà, t'y arrives, pas de problème, tu prends un verre, voilà, tout ça. Mais rendre service directement, j'ai un peu peur pour le futur de ma carrière, en On va sachant que, essayer d'être bon, discret. voilà. Ah oui, non, désolé. Très très bien. Et j'entends une voix qui Je me suis dans dit, ta bon, essaie de tête. discret. Sois J'ai une discret. petite voix dans la tête, tu sais, qui me dit, t'inquiète, on va être discret, et j'approuve. Même si je pose des questions sur pourquoi cette voix est celle d'Esther. Très bien. Sera réveillé dans un futur épisode. Du coup. Ah, je suis très heureux que vous ayez accepté. Je note deux lunes. Sachant que j'insiste, vous savez que les services et monnaie courante hein, dans le monde des crimes, encore une fois, la monnaie c'est du matériel, donc on fait beaucoup, même que ce soit dans haute ou la basse ville, on fait beaucoup sans. Il y a vraiment. Même en fait, votre salaire, pour en parler, parce que là vous avez une sorte de bourse d'étudiant, si j'ai envie de dire, qui vous donne 10 liges par lune. Et en gros. Vous les recevez pas vraiment en pièces. Vous comprenez que ça serait beaucoup trop à donner ça à tous les groupes. Donc en fait, on vous dit juste voilà, vous avez un reçu et le concert de tel lieu a noté que vous avez 10 liges qui vous appartient. Et quand vous les utilisez, bah en fait, c'est plus ou moins un crédit, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Du coup. On va dire que vous avez accepté, parce que bon, les absents ont toujours tort. Vous, enfin vous, d'abord, il faut évidemment que vous connaissez l'adresse. Et c'est du coup là où votre cher ami du coup vous dit, bon, alors, pour y aller, ça se trouve un peu plus bas encore dans la ville. C'est la rue du Pont Rouge avec une fleur des crimes derrière. Voilà. Vous y allez. Il y aura sûrement un guetteur. Laissez-le vous guetter et il vous fera rentrer quand il aura compris que vous êtes là pour vous rappeler de mon nom. Hein, Oui. Très bien. Aucun problème, Sophie. Sofiane. Sofiane. Oui, c'est ce que j'ai dit. Un petit coup de coude discret à Gornilov. J'ai cru mal entendre. Oh, très heureux que vous ayez accepté. Bon, allez donc. Mais de même. Vous sortez. Et, tout simplement, bah, vous allez vous diriger vers cet endroit-là. Avant de partir, vous dites à tout à l'heure à Elig qui, par peur de sa peine de mort qui lui traîne sur le dos, de sa menace de mort plutôt, parce que peine de mort, ça serait grave. Vous préférez pour le coup rester là et vous pourrez aller la chercher une fois fini. Oui. Est-ce que j'ai pu proposer à Elig de commencer à entamer les 2 mois Alors, gratuit. Tu peux, mais à ce moment-là, Sofiane t'avait rappelé que si vous allez là-bas, c'est parce qu'il y a une pénurie et qu'ils n'ont ni matériel. Ils ont rien du tout, ils ont rien du tout. Genre, ils ont. Ils valent rien. Plus jamais, genre rien. Très bien, je note pour la suite de la campagne, c'est foutu. Non, je reviendrai. Mais bon, on fait chier quand même. Pas cool. Ok. Vous, du coup, descendez dans les rues, ce genre de choses, tranquillement. Vous, maintenant que vous marchez, vous allez faire face plus ou moins à l'écrim pendant un petit moment. Et l'écrim, pardon, est bien marronâtre. Un brun assez foncé, mais toutefois au reflet doré. Tout simplement un brun mordoré, j'ai envie de dire. Qui, du coup, supplombe, encore une fois, l'horizon. Dans cet aspect-là, c'est peut-être ce qui rappelle, étrangement vu du nom, peut-être un peu de la bonne rouille, bien que la rouille est rouge écarlate pendant la période-là. Mais ce que je veux dire, c'est que y a cette couleur-là un peu spéciale, marron, doré, qui tire un peu sur le rouge de temps en temps. Mais vous avancez, et la nuit vous permet d'avancer sans trop de problèmes. Il y a quand même pas mal de monde dans les rues, encore une fois, hein, nous sommes dans la basse ville, mais rien de... pas aussi grave que les rares fois où vous êtes descendu en plein jour. Hein. Il y a un peu moins d'activité, il y a toujours une activité, par contre, encore une fois, vous le savez, des gens vivent autant dans le jour que de la nuit. Et du coup, vous descendez tranquillement pendant les quelques heures... de marche. Très bien. Vous descendez. Et vous arrivez, du coup, au bout d'un moment, à cette fameuse rue. La rue du pont rouge, avec la fleur des crimes derrière. Et cette rue a pour particularité d'être absolument visitée par personne. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui traverse la rue, mais qui traverse les rues, mais ce croisement-là n'est emprunté absolument par personne. Ce croisement est assez particulier en termes de construction, puisque c'est tout simplement une rue très étroite qui s'élargit au milieu pour se refermer de l'autre côté. Vous y rentrez. Mmh. Et effectivement, un bâtiment sur votre droite émet une très faible lumière. Et il y a un homme qui semble attendre tout simplement à la porte, vous guettant. Pendant qu'il a l'air de vous toiser un tout petit peu, j'aimerais demander du coup à Hugo, quels sont ses sentiments, comment se sent-il, comment est-ce dans sa tête à l'heure actuelle. Hugo, il est plutôt... stressé, angoissé, on va dire. Il a un peu accepté par politesse de suivre les autres au début, puis bon, ça l'enchante pas trop là, cette histoire. Et pareil, il a un peu suivi par politesse toujours, même si bon, faudrait peut-être qu'il fasse attention parce que là, c'est pas très sans doute. Enfin, ça pourrait lui attirer des ennuis pour de la simple politesse, on va dire. Mais du coup, oui, il n'apprécie pas trop cette descente, ces rues étroites là, surtout. Et là, dans au moment où on franchit, pour arriver dans cet espace un peu large, il respire un peu plus, mais c'est toujours très angoissant pour lui. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette description. Je vais essayer de faire en sorte que tu sois pas toujours dernier. J'ai tiré ça au dé, l'ordre, et c'est tombé sur toi dernier. mais merci beaucoup, c'était très très bien. Vous, du coup, au bout d'un moment, vous êtes installé, vous commencez à pouvoir être un peu sur place. Hein, pour le coup, vous êtes là, vous regardez pendant que l'autre vous toise. Un sentiment un peu malaisant hein, de savoir observer, mais sans pouvoir rendre le regard, sait-on jamais. Et au bout d'un moment, l'homme commence à faire des grands signes de main et vous appelant. Et on s'approche. Est-ce qu'on voit d'autres personnes à droite et à gauche? Non, encore une fois, cette rue-là est très vide, personne n'emprunte. Vraiment, on est sûr que... Oui. Pour le coup, encore une fois, cette rue, composée de deux extrémités très étroites qui s'élargit au centre, n'est composée absolument de personne. Et il semblerait que les gens l'évitent. Parce que... pourquoi vous ne savez pas, mais visiblement les rues sont hyper blindées sauf celle-là qui est vraiment vide. C'est assez particulier. Ok. Bref, vous approchez de lui. Et... Ah, vous êtes envoyé par qui? Sofiane Osbalik. Ok, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez l'air d'attendre quelque chose de ma part, et moi j'attendais des gens. Bon, vous allez voir Oleg. Oleg, pour le coup, faudra lui parler gentiment, c'est lui qui gère toute la distillerie. Voilà, vous savez comment se comporter face à ces gens de cette trempe. Gentiment et poliment. Tout à fait. C'est très très bien. Bon, suivez-moi. Et il commence tout simplement à vous faire entrer dans ce bâtiment. Et qui, en fait, étonnamment, au mieux de monter, vous fait descendre. Vous allez donc, en fait, arriver à des niveaux inférieurs, passant en dessous des rues où les gens sont en train de marcher. Alors, évidemment, c'est pas vraiment un sous-sol. Faut pas y voir ça comme chez nous quand il y a des sous-sols, parce que ça n'a pas de sens, parce que le sol, c'est décrit, je le rappelle. Il faut juste voir que comme les constructions s'emboîtent, et eh bien en fait ce bâtiment qui a l'air d'être sur cette rue là en fait est lié aussi à une autre rue qui elle a l'air d'être empruntée, et donc du coup en fait au mieux de monter vous descendez, ce qui vous fait rejoindre d'autres niveaux en hauteur dans la ville, mais du coup sous le sol des gens qui passaient au même niveau que vous. Vous voyez la logique. Vous passez du coup par des escaliers, vous rentrez dans une salle, il y a pas mal de grosses... de grosses cuves, de machines tout simplement, qui sert à distiller, ce genre de choses. Et tout simplement, force d'emprunter 2-3. Vous voyez que toujours c'est par contre assez crasseux, assez mal rangé, il y a plein d'outils sortis, etc. Il y a l'air d'avoir une grosse activité, bien que vous n'avez pas croisé beaucoup de monde, mais il y a l'air d'avoir une activité par les outils présents. Vous arrivez en fait dans une toute petite salle. La salle fait la taille... disons d'un quart de taverne, quoi. C'est limite un peu plus grand que votre table et celle de vos voisins quand vous étiez à la taverne. Et tout simplement, il vous accueille dedans. Il était tout simplement assis dans ses réflexions. Vous rentrez, il se lève et... c'est vous qu'on m'envoie? C'est bien ça. Ok. Bon, j'ai un problème, j'ai besoin de savoir jusqu'à où vous êtes prêt à aider, parce que je pourrais vous demander un service. Qui ne demanderait rien? Non, c'est faux, ça demanderait un truc illégal, mais très minime. C'est-à-dire que si vous faites bien vos boulots, personne ne le saura, et en plus de ça, il n'y aura pas de percussion morale, parce que c'est vraiment aussi grave qu'un gamin qui vole un fruit pour manger. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le coup, je vais laisser Kornilov parler. Il n'y a pas de souci. Il est plus impressionnant que moi. Alors, pourquoi vous envoyez? Vous pouvez aider ou... Ah, si vous, avez, ouais, si vous ouais, pouvez on pas peut aider, aider, on peut aider. Voilà, je préfère ça. Bon. Pour tout ce que on vous a promis, je sais pas combien de lunes on vous a promis, mais pour tout ce qu'on vous a promis, j'ai besoin d'un peu d'espionnage. C'est-à-dire que... Suivez-moi. Vous voyez qui passe juste à côté de vous, re-emprunte la porte et vous fait remarcher dans les salles que vous venez de passer. Il va tout simplement à la première cuve, il ouvre et prend tout simplement un outil en verre pour le remplir. Vous voyez ça? Ça, normalement, c'est l'alcool qu'on produit. On produit du cognac, on produit de la bière. Enfin bref, l'alcool de pauvre qui se vend pas très cher. Parce que de toute façon, en haute ville, ils le produisent pas. Hein. Sans nous, il n'y en aurait pas dans la ville. Et bah, regardez-le. Qui veut le regarder? Vraie question. Je vais y aller. Très bien. Tu vas me faire, s'il te plaît, du coup, un petit jet. Ou une petit jet. Sur la compétence, que je dise pas de bêtises. Tu sais quoi, je te dis pas compétence, tu me donneras le résultat des 2 dés, j'additionnerai. Comme ça, ça fait un petit suspense. 9. Ok. Tu remarques que sur le verre, il commence à être rongé. Et il y a une forte odeur dans l'alcool qui n'est pas celui de l'alcool. Oh. Tu conclus que de l'écrime a été glissé dans l'alcool. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf du tout. Et on a eu de la chance de le remarquer avant que des clients en boivent. Vous imaginez sinon, comment on explique ça à nous? Mais vous connaissez l'origine de ça? Justement, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je vous demande pas de régler l'affaire pour moi. Je vous demande juste d'aller vous chercher une information. Je suspute. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Je suspute que ce soit fait par une guilde concurrente. Non, je suspute. Merci, je suspute. Du coup, que ce soit une guilde concurrente, on s'est un peu fait face hein, ces derniers temps. Et je pense que c'est eux qui ont fait ça pour essayer de prendre notre part du marché. Mais je vous demande pas, bien entendu, d'aller péter des bouches. Je veux dire, ça, on peut le faire. Je demande des preuves. Je veux pas déclencher une guerre entre guides si elle n'a pas lieu d'être. Vous comprenez? Ouais. Du coup, tout ce que je vous demande, c'est d'aller vous rendre à la distillerie. Qui n'est pas ouverte au public, donc de façon un peu cachée. Et une fois là-bas, voir s'il y a des preuves d'une intervention de leur part, sachant que leur chef a tendance à aimer enregistrer des phonogrammes, phonodisques. Ah, oh, je sais pas, j'aime pas ces choses-là. Mais il a tendance à les enregistrer. C'est des matériaux perdus, mais au moins, ces conversations importantes sont là-dessus. Donc si jamais il a conclu une mission... Normalement, ça devrait y tenir. Et si je vous demande maintenant, c'est qu'il n'est pas en ville en ce moment. Donc vous risquez pas de le croiser et d'avoir de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça serait la bonne occasion si aujourd'hui, vous pourrez essayer de vous faufiler, trouver une information ou pas, et voir si après, nous, on va devoir riposter ou pas. Okay. Pas de violence. Faut absolument pas que vous fassiez remarquer, c'est le mieux. Jeu des fantômes. Bah, j'imagine, dis-je en regardant mes compagnons. Et à ce moment-là, je tourne la tête à Cornelob et je fais exactement en faisant un petit clin d'œil discret. Bah, on est toujours partant, après tout, on aura la récompense qu'on est censé avoir. Ouais. Bon. Je vous explique quand même un peu les 2-3 informations. En gros, la guide se trouve sur un îlot qui se trouve en très basse ville. Cet îlot a été aménagé principalement par eux. La distillerie se trouve au fond. Il n'y a absolument pas trop de problèmes à vous y rendre. Je pense que en cherchant bien avec quelques informateurs, vous pourrez apprendre des choses intéressantes. Flamingo, qui est la personne qui gère ces distilleries, elle, il n'est pas là. Il n'est pas sur Venise et il est censé rentrer demain soir. Donc vous avez la journée pour vous organiser et vous y rendre sans problème. L'îlot est ouvert à tout le monde de manière principale, sauf les distilleries, donc vraiment l'endroit le plus éloigné de l'îlot, donc vous pourrez vous y rendre sans trop de problèmes si vous voulez passer par la grande porte. Oui, la distillerie, par contre, a un seul petit truc. Y en a deux, en fait. Je sais pas. C'est une seule distillerie, mais on les appelle les sœurs jumelles parce que ça a été divisé en deux bâtiments, et donc du coup, je sais pas dans lequel vous aurez l'information que vous voulez. Mais, encore une fois, même si moi je n'ai pas pu, parce que malheureusement, quand on gère une guilde, on a autre chose à faire que tout simplement se renseigner et espionner notre principal rival, et ben, quand on sait chercher, il y a toujours des informateurs prêts à parler ci et là. Ça commence à faire beaucoup de risques. Oh, ouais. Pas tant que ça. Quel est votre problème? Dites-le-moi. Je peux négocier, dites-moi. Eh bien, le paiement, j'imagine. C'est le paiement qui vous pose problème? On l'est plus? Je regarde Kornilov. Bah, faut dire, voyez-vous, mon ami, que... on a plus à perdre dans cette affaire que le commun des mortels. Alors, on n'est pas amis. On vient de se rencontrer. Et ensuite, comment ça? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous ne savez pas être discret, n'y allez pas, hein, évidemment. Repartez maintenant tout de suite. Mais si vous êtes discret, qu'est-ce que vous avez à perdre? Bon, eh bien, vu que nous ne sommes pas amis, a priori, nous n'avons pas de raison d'en parler plus que ça. A bientôt. Moi, je me tire. Je suis là un peu hésitante et au bout de quelques secondes, j'imagine que je me mets à le suivre. Sans savoir s'il est là en train de bluffer, en espérant que l'autre le court après en augmentant le prix ou quoi que ce soit d'autre. On va faire un test pour voir comment il réagit. Que je sache, est-ce que c'est du bluff ou pas, mon cher Kame? C'est pour la compétence. Pour savoir ce qu'il joue en jeu. Ça en est, donc c'est du bluff. Donc bluff, c'est faconde. Okay. Dans ce cas-là, tu vas lancer en confrontation. Donc, on va réexpliquer avec confrontation. Tu vas lancer non pas 2, mais 4 dés. Okay. Et tu vas du coup diviser ça en deux résultats. Donc c'est toi qui vas déterminer où est-ce que tu mets plus de points et où est-ce que tu en mets moins. Sachant que dans la répartition des résultats, le premier résultat que tu me donneras, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est ta façon... d'être entre guillemets en action, ça veut dire que tu fais en sorte que ça réussisse. Là, vu que tu es social, ça va être tout ce que tu vas mettre en œuvre pour qu'il y croit, pour toucher un point sensible. La défense, du coup, c'est le deuxième, c'est la préservation. Bah, c'est justement voilà, la défense, c'est faire en sorte qu'on ne puisse pas riposter, etc. Si tu as une défense qui est faible, là, à l'heure actuelle, c'est pas forcément grave, entre guillemets, pour t'expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est pas lui qui a l'attaque, donc au pire, hein, ça lui donnera, là je te parle vraiment qu'en jeu, hein, le roleplay se fera autour de ça, mais ça lui donnera, entre guillemets, du coup, des bonus pour son attaque suivante, vraiment, c'est du jeu, mais ce que je veux dire, c'est que, vu que c'est toi qui es en train d'attaquer, tu peux mettre de la défense pour éviter qu'il essaye de te passer outre, hein. Par exemple en faisant un meilleur bluff ou en essayant une intimidation ou un truc comme ça. Mais comme tu sais que là c'est toi qui lance le truc, là c'est vraiment un conseil pour que vous preniez le système en jeu, comment ça fonctionne. Vu que c'est toi qui lance le truc et que tu sais que t'as pas grand chose à perdre en fait dans cette histoire là, tu peux te permettre, si tu veux, de mettre plus en accomplissement, vraiment pas mal, plutôt que la défense, parce qu'il ne pourra pas riposter maintenant. Voilà. C'est du conseil de jeu, je sais que du coup ça vous retire un peu la liberté tout de suite, mais c'est pour que plus tard vous puissiez y réfléchir par vous-même, et voir quand est-ce que c'est plus avantageux tout ça. C'est pour éviter que vous fassiez juste les mauvais trucs, ça serait dommage. Les résultats que je te donne là, du coup, là, c'est juste mes dés, ou est-ce que je rajoute du coup... tu rajoutes effectivement la compétence en jeu. Pour les deux jets. Démarre l'enregistrement, c'est bon, ça marche. Ok, excusez-moi pour ce problème Shadow. 12 et 5. Ok, effectivement, fais... Bon, bah si on n'est pas amis, comme tu l'as fait en roleplay, on arrête la conversation ici, tu tournes les talons. Et alors qu'Esther allait commencer à te suivre, donc c'est-à-dire après les quelques secondes d'hésitation... Pascal y croit. Tu vois faire bon, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais de ce genre-là. Alors, dans ce cas-là, appelons-nous amis J'ai vraiment besoin de vous. Alors, je me retourne à nouveau vers lui, du coup. Et je fais quelques pas pour reprendre ma place de départ. Tu vois, qui, du coup, il avait fait un petit peu en avant, il recule. Je fais une demi-tour également. C'est vrai, est-ce que tu commences à tourner. Tu tournes sur toi-même, de... et ok, excuse-moi, je voulais pas dire ça, je savais pas que tu dois venir de certains quartiers pour oser me parler comme ça, mais je suis impressionné. Bon, écoute, enfin écoutez, je parle à tout le monde. Moi, je peux m'arranger, vraiment, pour vous compenser autant que vous le voulez. J'ai juste besoin que ce soit bien fait, que vous me garantissez d'être vraiment discret et de ne pas tout faire foirer. Si vous avez besoin de couverture, si vous avez besoin de quoi que ce soit, puisque vous avez l'air d'avoir un peu de soucis à vous montrer publiquement, je peux gérer tout ça et vous financer de tout au tout. Moi, j'ai juste besoin d'un résultat. Vous comprenez ? Dites-moi. Encore une fois, je regarde Kornilov parce que j'ai l'impression qu'il maîtrise bien plus sa situation que moi. Ça, Kornilov est pas mal. Oui, Kornilov, pardon, d'ailleurs, j'ai dit Kornilov. Kornilov, t'as le regard d'Esther sur toi, le regard de... c'est bien si je... d'Oleg sur toi. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'il propose, c'est donc de financer notre opération, c'est ça? Ouais, avec tous vos besoins que vous avez, effectivement. C'est genre, si vous dites, ah bah en fait, pour la mission, on a besoin de ça, bah bon, tiens, c'est l'idée. Bon, mais j'imagine que... c'est suffisant pour ce qu'on a à faire. Merci. Si vous avez le moindre problème, sachez que parmi nos amis très intimes, on a un avocat duelliste très très haut placé. Peut-être que... Kornilov va demander à l'affronter. Non, ce que je veux dire, c'est que si jamais vous êtes dans des... dans de beaux draps, on peut vous effacer tout soupçon très rapidement. Ça, c'est intéressant. Pourquoi vous avez pas dit plus tôt ? Vous m'avez un peu perturbé. Je dois avouer que t'as du cran. Bon, j'imagine que qu'on peut se mettre en route. Pour que cette histoire se règle le plus rapidement possible. Exactement. Faites. Je tends ma main vers lui, tu vois, pour le, ouais. Le poignée de main. Ça se fait dans l'univers des crimes de les poignées de main pour signer des contrats et tout ça. Pour les accords. Oui, je n'ai pas eu d'indication contraire, donc je suppose que oui, ça doit être une convention sociale qui est restée. Tu vois, il est un peu hésitant, il a senti qu'il a perdu l'ascendant qu'il était censé avoir sur la bande d'inconnus que vous êtes. Mais il serre la main parce que, de toute façon, tu es le dominant de cette conversation. Et on saura du coup maintenant que Kornilov s'en sort très bien au milieu des guildes. D'ailleurs oui, je voulais te demander, est-ce que les guildes dont il parle, moi, ça m'évoque quelque chose? Pour l'instant, tu sais même pas pour qui tu bosses. D'accord. Oui, mais je veux dire, rien... Oui, du coup, je fais rien pour me laisser penser. Et justement, tu m'as ôté ça la bouche. Tu vois que quand tu pars, il fait, excuse-moi madame, on s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Je sais pas. Si, brune, avec un bras mécanique. J'ai déjà entendu parler de toi. On s'est vu. Ah bon? Je pense. Je sais pas où. Oh, vous devez confondre, vous savez, les bras mécaniques, c'est courant dans la vie. Alors je sais pas dans quelle ville t'habites, mais... ouais, bien, non, bien mais... J'ai entendu ça passer. Écoute, peut-être que je suis au fond. Excuse-moi, mais... Ok. Et assez... J'essaie de me dire, moi, s'il me dit un truc. Je suis en train d'essayer de remémorer tous les visages que je connais. Tu te remémores les visages, et pour le coup, ce visage ne te parle pas forcément. Après, il faut dire que... D'ailleurs, j'ai pas fait de description, je suis fou, moi. j'ai oublié. Oui, du coup, non, ce visage, qui d'ailleurs, voilà, je vais me faire maintenant, cette description, ce visage très marqué, très brut, de cet homme chauve, assez âgé, hein, qui a au moins 45 ans, ne te parle pas. Après, dans ta vie, tu te dis peut-être qu'il a des liens éloignés, ça serait cette raison-là. Mais tu sais l'avoir jamais croisé directement, non. Ça... Non, merde, putain, faudrait pas qu'il parle de moi non plus. Tu peux lui dire. Après tout, vu que Kornilov... Ouais, si t'as envie de lui dire quelque chose, c'est maintenant, sinon tu tombes sur le bonheur de la chance. Le problème, c'est que si je parlais trop louche en même temps, oui, forcément... Je vais gérer ça. Dis-moi ce que oui, tu fais. Oui, en fait, je m'entends juste vers lui. Oui. Cette discussion n'a jamais eu lieu. Ah, bien évidemment. Et voilà. Officiellement, je dis ça pour le boulot. Officieusement, voilà. Je vais parler d'autre chose. Parfait. Vous, du coup, sortez de là. Un peu surpris quand même de Kornilov. Hein, oui. Qui vous a peut-être pas montré cette face-là, du moins peut-être pas avec des guides, hein. Peut-être qu'il vous l'a déjà montré, qui savait gérer le social, hein. Mais tenir comme ça Eurorak face à quelqu'un qui contrôle une guide, tenir quelqu'un qui est une sacrée puissance quand même, vous y attendez pas quand même. Il cache bien son jeu, ce Kornilov. Vous voilà dans la rue, et... et vous rechangez de rue. Vous ne voulez absolument pas rester dans cette rue du pont à la fleur des crimes derrière. Mais du coup, j'ai une question à vous poser, qui est tout simplement la suivante. Où allez-vous chercher des informations? Il nous a parlé, en effet, que des informateurs pourraient nous aider. Tout à fait. Où est-ce qu'on va chercher des informateurs en général? Ça va être peut-être une question intéressante à lui poser si tu n'as pas la réponse, mais... On a posé zéro question. qu'on savait de base, enfin, il en parlait un petit peu comme si... C'est vrai que j'aurais peut-être dû être un peu plus précis. Il n'y a pas de souci, je vais quand même vous laisser une chance de vous en sortir tout seul sans devoir aller demander à quelqu'un un peu d'aide. Vous allez me faire un test... d'Urba Technologie. Chacun. Vous réfléchissez, et c'est vrai que vous êtes peut-être pas habitué, pour beaucoup d'entre vous en fait, d'aller chercher des informations en ville. Ça vient peut-être du fait que vous êtes tous les trois des traversiers. Arrivé en ville, certes, il y a quelques années, mais vous n'êtes, pour la plupart, pas arrivé par les endroits les plus obscurs. Même si, bon, on connaît la vie de certains, ça n'a pas été non plus le plus propice à ça, et c'est d'ailleurs la personne qui a vécu le plus dans ce genre de milieu qui a fait le meilleur jet, même si c'est pas forcément suffisant pour savoir tout exactement, mais... De ce que tu sais, même si t'as vécu un peu en armée, après t'es allé, t'es monté un peu plus haut dans la ville, etc. Les squats, les endroits où voilà, les pauvres se réunissent, et là je parle vraiment de la pauvreté qui est au plus bas de la ville, hein, celles qui vivent au contact de les crimes, sont les endroits où les rumeurs dans la ville circulent le plus parce que c'est leur seule activité qu'ils ont. C'est-à-dire, bah voilà, ils traînent comme ils peuvent et puis ils entendent des trucs et du coup ils se les répètent entre eux. Donc ça peut être une bonne source pour commencer à chercher. Et sinon, pour Kornilov, qui a fait le deuxième G le meilleur, je te l'accorde parce que tu viens de réussir une bonne situation au milieu des guildes, bah justement, tu sais que les bâtiments gérés par les guildes. Généralement, quand il y a du monde, les gens qui y vivent sont des gens qui sont soit du milieu, soit qui connaissent des choses, donc ça va être aussi intéressant. C'est les deux pistes que je vous donne, vu les jets. Vous pouvez discuter ou me dire ce que vous voulez faire. Du coup, vous avez des idées? Je dois t'avouer que je suis pas très habitué encore à la grande ville. Tout ce qui me vient en tête pour l'instant... c'est que si on va faire un tour du côté de justement la guild qui pose problème à nos. À mon ami. les gens qui habitent autour auront sûrement des choses à raconter, mais il faudra être discret sur ce coup-là. C'est tout ce qui me vient en tête. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre, vous. Mon côté, non, désolé. Hugo, t'as pas d'idée sur la suite des événements? Faut qu'on finisse ça assez rapidement, si on veut éviter d'avoir des problèmes. Peut-être qu'on pourrait remonter dans l'autre ville. Et bon. Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Des informations. Peut-être dans un salon de thé, je sais pas. A priori, nos affaires sont plus du genre être dans les profondeurs que dans les hauteurs. À moins que ce soit un grand complot qui remonte vraiment jusqu'au grand seigneur de guide des toutes des grandes hauteurs de je sais pas où. Ce qui n'a pas l'air pour l'instant. Ah, d'accord. Effectivement, ça paraît d'en jouer énormément au goût. Ouais. Et bien, bon, et bien, si personne n'a d'autres choses à proposer, j'imagine qu'on va aller avec ma piste. Ça me plaisait bien de mon côté. Ouais. Ouais. Et bah, du coup, bah, effectivement, vous avez su cette piste-là qui est du coup aller chercher du côté de la guide, et c'est pas bête. Vient du coup la question que je vous pose, savez-vous contre quel guide vous êtes en train de travailler? Non. Non, parce qu'on est des gros teubés. Mais non, mais non. Mais en même temps, je peux... Il est tout à fait compréhensible. Que vous... Bah non, si, du coup, si, moi j'ai peut-être une piste, du coup. Non, c'est ce pour qui on travaille que t'as peut-être une piste. En effet, ouais, ouais. Mais on a posé zéro question sur qui, quoi, comment, qui, où. On a fait les gros bras et c'était fini. Ce que je tiens à dire, c'est que malgré tout, ça peut être cohérent, dans le sens où vous êtes dans des milieux, où vous savez, pas très clean, mais quand même puissant de la ville. Hein. Je rappelle que les guides sont des organisations reconnues, mis à part certaines, notamment la guide des assassins, qui pour le coup, la ville fait tout pour te dire non, ça n'existe pas, il n'y a personne qui assassine qui que ce soit. Il y a une grosse propagande autour de ça, ça vous la prenez petit à petit, vous vivez avec, et de toute façon, en devenant métropolite, vous entendez un peu parler de comment ça fonctionne, même si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes des citoyens lambda. Mais ça peut être logique, vous n'avez pas forcément posé la question, puis surtout, vous ne savez pas jusqu'à où vous avez le droit de les poser, c'est pour ça, c'est pas, je ne vous punis pas, je vous demande juste, parce que du coup, il va falloir quand même que vous trouviez ces informations-là, je vous dis du coup ce que vous devez trouver, mais je peux... Tout à fait compréhensible, voilà, ne le prenez pas mal. D'un côté, vous êtes dans un milieu quand même un peu plus rude hein, que les loges, les concernes, etc., qui sont beaucoup plus complexes, peut-être dans leur fonctionnement, mais qui vous paraît peut-être moins obscur et moins dangereux directement que des guildes. Donc voilà, je ne le prenais pas de façon horrible. Mais maintenant, rien ne vous empêche d'essayer de trouver ces informations-là, de type, mais qui est cette guide-là? Rien ne vous empêche de ne pas forcément aller voir, retourner au leg, mais juste de parler au mec qui vous sortait dans... Enfin, qui vous attendait, le guetteur. Voilà, à vous de voir comment vous gérez ça. Mais effectivement, il va falloir savoir qui vous cherchez, comment le chercher, et une fois tout ça, du coup, trouver les informateurs par rapport à ça. Eh bien, pour éviter le malaise social qui est de retourner en arrière et de poser des questions, je vais interroger ma mémoire et me dire de toutes les fois où on a été dans notre fameux petit club de tir slash taverne secrète, enfin tout le truc, le hurleur, voilà, j'avais entendu son nom. Est-ce qu'on a jamais entendu, non, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup, mais est-ce qu'on a jamais entendu parler le tenancier, notre chère Sofiane ou quelqu'un d'autre qui serait passé dans le coin, tu sais, qui est un habitué? Parler d'une guilde, un truc comme ça, où il y avait déjà eu des problèmes, justement, vu qu'on sait qu'il y a des antécédents à cette affaire. Ouais, c'est un petit jet, mais c'est bien, tu fais plein de jets ce soir. Tu vas me faire un test de maraude, voir si t'as un peu réussi à... Tu sais, voilà, écouter, malgré toi, des conversations que t'étais pas forcément obligé d'entendre lorsque vous étiez là-bas à tirer. Voilà, est-ce que t'as... Bon, voilà, juste un test de maraude. 9. Et du coup, moi j'aimerais bien essayer aussi en parallèle de fouiller dans mes mémoires pour voir si. Fais-moi le même jet, même si c'est pas la même. Si je peux avoir des soupçons. La même justification, fais-moi le même jet. On simplifie. Donc, maraude également. Ouais. 9, 9, 9. Tu fouilles un peu dans toutes les conversations, etc. Là, tu sens que beaucoup de choses, tout le cas, reposent sur toi. Esther est un peu, c'est pas trop vraiment quand j'ai la situation, et Hugo commence à paniquer d'être en basse ville. Et ce qui va te revenir, c'est que le hurleur porte ce nom parce qu'il y a de fortes suspicions que derrière se trouve la guide des hurleurs. Donc vous ne savez pas forcément l'activité. Comme pas mal de guides au nom un peu mystérieux pour justement troubler les pistes des gens qui chercheraient un peu trop. Et vous savez que la guide des hurleurs, pour en avoir entendu parler ci et là, et notamment aussi dans vos cours, mais surtout pas mal dans ce bar, est pas mal fâchée avec une autre guide qui s'appelle la guilde des robeuses, qui elle, par son nom, est assez claire, c'est une guilde voleurs. Mmh. Ok. J'imagine que Cornilov nous le partage. Oui, j'espère. Il vous le partage. En effet. Et du coup, vous savez maintenant ce que vous devez chercher, c'est-à-dire la guide des voleurs. La guide des robeuses de son vrai nom. Vous allez donc du coup chercher tout simplement un bâtiment qui est en lien, arrêtez-moi si je me trompe, avec du coup la guilde, c'était bien ça. Oui. Avant de partir d'aussi loin, j'aimerais juste tenter une nouvelle chose comme pour nous faire mâcher un peu plus de travail. Mm-hmm. J'aimerais juste aller vers le garde des lieux, le guetteur. Ouais. Qui est dans ce bâtiment juste. M'arrêter devant lui et lui dire, du coup, et lui dire on n'est pas très habitué à cet endroit de la mine, c'est vers quelle direction qu'on doit aller depuis ici. Bah voler, aller où là? Oh, chez ceux qui vous posent problème. Ouais, bon, ils ont pas mal de bâtiments, vous savez, c'est comme ça qu'on vit en étant une guide. Où est-ce que vous pourrez... Allez, je vous donne une maison-jeu, ça marche plutôt pas mal et il y aura peut-être de quoi vous satisfaire là-bas. La maison-jeu qu'ils ont principale, du coup, faut descendre encore, vous descendez et vous allez tomber du coup à une rue. Cette rue-là, elle est assez reconnaissable puisque la marque, c'est, vous savez, un des... c'est un albâtre tout simplement dessiné. Et l'albâtre, vous tournez à droite. Et le troisième bâtiment, qui a l'air super abandonné, en fait, faut rentrer dedans. Et quand tu rentres dedans, je crois que c'est le troisième ou deuxième étage, je sais plus, où en fait tout s'installe pour du coup la maison de jeu. Il y a pas mal de choses. Allez pas au quatrième étage si vous êtes des petites natures. Enfin voilà, allez par là. D'ailleurs, oui. Cette fameuse guilde, comment est-ce que vous appelez son nom? Et là, je sors un petit calepin. Ah oui, non. Non, alors là, sortir un calepin, attention. oui, excuse-moi. Attention. Ouais, donc, comment est-ce que vous appelez son nom? C'est pour... Rapport. Je savais pas que vous étiez intéressé par l'écriture. Appeler son nom. je connais pas. C'est pas un problème. Très bien, on se débrouillera, vous inquiétez pas pour ça. Après, vous savez, vous avez l'air d'être plutôt du coup habitué des gens qui savent lire, mais ici-bas... Oui, évidemment, c'est ce que je disais justement. Bon, bref, on se retrouve une fois qu'on a réglé l'affaire. Ok. Vous, okay. Du coup, allez suivre son conseil afin de vous y rendre là-bas. Et bon, vous êtes quand même assez content de lui avoir demandé, parce que vous avez donné une adresse quand même assez précise. Hein, vous êtes parti de n'importe quel bâtiment, un truc assez précis. Et d'ailleurs, justement, fait assez spécial, au moment où vous commencez à descendre, Hugo se met à être vraiment très très blanc. Mais quand je dis blanc, c'est vraiment blafard. Hein, il est vraiment d'un blanc... maladif. Oui. Et vous le voyez que ça, il a des hauts de cœur, il va pas très bien. C'est la première fois que vous voyez comme ça. La deuxième fois sera dans le futur, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. En tout cas, c'est la première fois que vous le voyez comme ça, et vous savez, après avoir passé quand même quelques temps avec lui, plus ou moins long selon votre passé commun, qu'il a tendance à être quand même très malaisé quand il y a beaucoup de monde, et effectivement, plus vous descendez, plus il y a du monde, plus c'est crade. Enfin bref, ça a pas l'air d'être la joie pour lui, et ayant des hauts de cœur et vraiment à ravaler limite son vomi. Bon, vous oui. Connaissant l'ordre de notre mission, d'être discret et tout ça, et voyant que Hugo a l'air de pas être très bien et de marcher un peu comme un robot même, c'est pas très bon. Et je pense que je lui propose tout simplement de prendre le prochain, j'ai oublié les termes, mais le truc de déplacement. Malheureusement, je rappelle que à cette époque-là, vous êtes encore citoyen et vous n'avez point le droit de l'utiliser. Mais bon, je lui propose de rejoindre A-League, tout simplement. Voilà. Elle est pas très loin, forcément. Et elle le remontera en ville. Ouais. Et il accepte, hein. Franchement, c'est limite, il y a un soulagement sur son visage. Il veut... je suis désolé. Il tousse un peu. Je vous rejoindrai si je peux. Il faut que je. Et il part. Moi, il s'en va, j'achète un petit simulateur. Il ne t'entend pas, mais. Heureusement. Kornilov t'entend. Oui. C'était l'objectif. Bon. Eh bien, nous voilà. Bon. Tous les deux. Exactement. Allons braver. Vents et marées. Voilà. Très bien. Vous vous rendez là-bas. Ouais. Allons-y. Vous vous rendez là-bas. Et. Tout simplement, vous faites un trajet normal, vous descendez, vous suivez l'indication, vous trouvez la rue de l'Albâtre, hein, et effectivement, deuxième bâtiment abandonné, etc. Ça a l'air de correspondre, tout va bien. D'ailleurs, c'est assez rigolo à imaginer, parce qu'il faut vraiment voir en fait, que seul le premier étage est visible, parce que le reste est camouflé par les autres étages des autres bâtiments aux alentours. Ce qui explique peut-être le fait qu'ils s'installent là, et que du coup, il n'y a pas moyen de savoir s'il y a de la vie ou pas sans y rentrer. Vous commencez à monter ces escaliers délabrés pour arriver à l'étage. Et au niveau de la porte, il y a un mec qui est assis. Un mec bah, tout simplement de cheveux longs, tiré en arrière, un peu plaqué. Et tout simplement qui, quand il vous voit, se lève. qu'est-ce que vous faites là ? On rentre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut être sur invitation ? Non, mais je sais pas, tu... Vous paraissez un peu... bizarre. Vieux ? Quoi ? Non. Vous êtes pas des métropolites, hein. En mission, je veux dire. Je veux dire, si vous êtes pas en mission, y a pas de soucis, mais... Non, ni l'un ni l'autre. Peut-être un jour, mais... Un jour ? Là, c'est pas le cas. Ouais. Vous connaissez la règle d'or ici. Hein. Quand vous rentrez, vous oubliez tout ce qui est officiel. Hein. Ah, bien sûr. Entendu. De toute manière, officiellement, on est rien. Oui, mais je sais pas, t'as dit peut-être un jour, moi je suis pas rassuré. Hein. Bon. Ça rend parano ce boulot, on dirait. Oui, bah excuse-moi, mais. Moi je suis nouveau, on m'a dit tu gardes, je garde la porte. Bon. Ah mais t'es nouveau, désolé alors, désolé, je faisais mon numéro de gros bras, mais t'es nouveau, je vais pas se faire trop suer non plus. Ouais, très drôle. Bon, allez-y, on vous a l'œil, hein. Ouais, qui vous ouvre la porte. La grosse porte de métal, qui grince, mais vous savez, le bruit du métal frotté à du sol métallique lui-même, et vous fait rentrer. Quand vous rentrez, vous arrivez face à une salle très éclairée, avec énormément de monde, et même assez étonné de la taille, c'est-à-dire que le bâtiment était plutôt petit de taille, mais par contre, l'intérieur en fait est très large, tout simplement sûrement que ça doit gratter dans les bâtiments d'à côté de la place. Il y a des tables de jeu, il y a des gens qui parlent, il y a énormément de bruit, ça sent l'opium, la cigarette, l'absinthe, c'est vraiment un mélange... Vous savez où vous mettez les pieds directement dès les premières secondes. Et il y a absolument du monde partout à foison, des dames qui dansent, des hommes qui dansent, des gens qui sont en train de jouer encore une fois, etc. etc. Vous êtes en plein milieu de cette, entre guillemets, jungle urbaine où il se passe vraiment beaucoup d'activités. Que faites-vous ? Bon, Esther. Ouais. D'après ce que j'ai pu comprendre de la discussion avec mon ami Oleil, t'as l'air de t'y connaître en guilde. Je sais pas trop quel genre de... En quoi ? T'y connaître en guilde ? Oui, en effet, j'en ai fréquenté de très loin et plus un temps. Et je suis malheureusement en mauvais terme avec... avec eux, c'est pourquoi j'espérais ne pas avoir... affaire à eux. Ouais, je vois. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que t'as plus d'expérience que moi en la matière. Clairement. Enfin, donc, si t'as des idées sur comment faire pour remonter toute cette histoire, je pense que je vais te laisser passer devant. Parfait. Eh bien, je passe devant. Très bien. Dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu cherches quelqu'un de particulier? Est-ce que tu vas t'immiscer? Dis-moi ta stratégie pour rentrer dans les conversations et chercher les informations qui t'intéressent. J'imagine déjà que je vais cacher mon bras sous un manteau. Oui, pour éviter d'attirer trop l'attention et d'avoir un signe distinctif, effectivement. C'est plutôt une bonne idée. Je pense que tout naturellement, est-ce que tu sais, il y a des boissons. Alors oui, il y a un petit bar qui est d'ailleurs directement à votre entrée sur votre gauche, qui tout simplement sert à la demande et qui arrête pas de tourner à gauche à droite. Donc tu peux t'y accoster si tu veux. Accosta. Eh bien, peut-être qu'avec Carnilov, je lui fais signe, nous pourrions nous y rendre. Ok. Ouais. Très bien, tu t'y rends, tu t'y assois, tu vois qui rend de servir. Voilà. Besoin de quelque chose? Surprenez-nous. C'est l'occasion de regarder un petit peu à droite à gauche, voir ce qui se fait, et essayer d'entendre, sans être trop cramé, les discussions. Ouais. Tu vois que le barman, tout simplement, vous toise un peu, vous juge et vous pose la question. Niveau argent, vous m'avez l'air pas trop mal, non? Niveau argent? Oui. Ah, ce sont que les apparences. Ah, dommage, dommage. J'avais un petit truc, mais ça coûtait un peu cher. Bon, c'est pas grave. Je vous fais quelque chose de plus modéré, mais... vous serez moins surpris. Après, ça en vaut vraiment la peine. Hein. Disons que... vous savez chez qui vous avez toqué. Nous avons réussi dernièrement à avoir une petite cargaison d'un alcool qui traîne très rarement par ici. Et d'où est-ce que... Et comment ça se fait? Vous savez... Comment telle prouesse est-elle possible? Disons que les concernes ne sont pas toujours très vigilants, se croyant roi du monde, et qu'une petite dose d'alcool de riche a fini dans ce bar. Passez-nous donc votre meilleur cocktail, celui dont vous parliez précédemment. Nous boirons en leur honneur, dis-je en crachant par terre. Ok, bah très bien, par contre... On est un peu méprisant. Je vous mets qu'un verre, parce que bon, si vous êtes vraiment pas très riche, vous n'allez pas pouvoir boire grand-chose, hein. Vous partagerez? C'est 10 liges, le verre. Bon, et... Je vous aime bien, je vous en fais pour 5. Bon, eh bien, 2 verres dans ce cas-là. Allez. J'ai combien sur moi? Comme dit, on considère, vous avez plus ou moins votre salaire étudiant, vous avez entre 10 et 15 liges sur vous. Bon... Votre salaire étudiant. Disons, votre bourse d'études plutôt. Parce que. C'est on y gagne au change. Ouais. Oui. Oui, oui, qui sort. Une bouteille. Avec un liquide dedans. Assez. Je ne retrouve pas le nom de la couleur. Écrimeux. Alors non, oh merde, lui aussi il est empoisonné. Ça serait un peu problématique. Non. Ah j'ai pas quoi. On sait jamais. Une sorte de marron plus clair, un peu orangé, vous voyez. Bras. Ouais. Je sais plus. Ouais. Ah, oui mais je vois l'idée, d'accord. Ouais. Il vous sort cette bouteille là et fait bon. Allez. Vous allez goûter. Je suis sûr que c'est la première fois de votre vie. Ce qu'ils appellent du whisky. Ouais. C'est fort, hein, par contre. Il vous sert un verre à tous les deux. Ok. Il referme. Verre, bien entendu, qui sont en fait plus des gobelets de métal. Oui, il les prend. À la vôtre. Et pendant ce temps-là, vous avez goûté cet alcool très fort hein, qui prend la bouche. On est d'accord, il est allé chercher en réserve. Oui. Donc, quand il a préparé, oui. Je regarde vite fait Carnilov et au moment où il tourne un peu shot et je fais tu penses qu'une preuve orale ça suffit? Possible, mais je suis pas sûr que c'était une preuve orale ce qui vient d'avoir lieu. Il parle de concerne. Ouais, c'est vrai que... Après, nos quartiers, ils viennent de la haute aussi, hein, c'est peut-être relié. Que non, les autres, c'est vraiment une guilde de guildes. Oui. Mais non, y a pas de whisky là où on vient. Ouais, okay. Au Yolor, il n'y a pas de whisky, on est d'accord? Ah oui, totalement, c'est la première fois que vous... Ah d'accord, donc ça n'a vraiment rien à voir, my bad. Ouais. Le whisky, vous découvrez. L'alcool qui est produit dans la distillerie, vous allez vous dans votre coin, et donc du coup dans la distillerie que vous avez visité, c'est de la bière et du cognac. Ok. Ce sont les alcools de pauvres. Mais effectivement, après, vous savez qu'il y a le concern en ville, hein, qui s'appelle le concern de la réception, qui s'occupe en fait de la production d'alcool. Et vous savez, notamment parce que vous commencez à monter un peu en haute ville au fur et à mesure de vos études, que bah, c'est effectivement pas mal d'alcool vraiment assez cher, notamment voilà, quelques alcools que vous ne connaissez pas, comme le whisky que vous venez de découvrir, l'absinthe, qui quand même coûte quelques liges à consommer, donc c'est vraiment pas les mecs qui gagnent quelques sous qui vont s'en sortir. Enfin bref. Vous avez consommé, vous vous êtes posé la question, et du coup, toi, tu m'as parlé de vouloir écouter, c'est ça, un peu, des conversations, et dis-moi tout. Oui, c'était ça l'idée, de ouais. Quelqu'un qui boit, qui s'avance vers le bar, n'a pas l'air, on va dire, suspicieux, là, ou quelqu'un qui viendrait juste de rentrer, qui se met à côté de toi. Ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. Bah, du coup, ça tombe bien, tu vas me faire un petit test. Normalement c'est au choix. Attends, je vais regarder ta fiche de compétences pour comme ça je te mets le truc le plus pratique. Parce que de toute façon quand c'est au choix tu prends toujours le plus pratique. Ah bah c'est évident. Faut que t'as 0 ou 2. Bon bah tu vas me faire un test. De toute façon ça ne change rien parce que ta compétence est à 0. Avec un bonus de plus 2 parce que la situation s'y prêtait. Ok. Donc comme si t'avais 2. Double 1. Oh. C'est 4. Ok. T'essayes d'écouter. Tu te dis que peut-être l'opium a été un peu trop consommé. Ouais, avec l'alcool là, ouais. La mélange. Whisky, opium, tu commences à te dire, à te sentir pas très bien par rapport à ça et t'as un peu du mal à te concentrer sur ta tâche. Je crois qu'il fallait pas boire le verre d'une seule traite. Visiblement. Ça avait l'air d'être la manière dont il fallait que ce soit bu. Cornillov n'est pas d'accord, mais non. Toi dans ta tête, pas ouf. Bon, non, du coup, clairement pas. T'as pas réussi à passer dans une conversation qui te semblait intéressante. Mais bon, vous savez quand même que vous êtes dans un endroit intéressant. Ne perdez pas espoir. Dites-moi du coup comment vous allez rebondir là-dessus pour trouver une autre stratégie. N'hésitez pas, soyez créatifs, allez-y. Il n'y a pas de fausse méthode. Moi, du coup, c'est un petit peu grillé. J'aimerais attendre de voir ce que fait mon collègue. Cornillov, est-ce que tu as une petite idée pour trouver... Bah, déjà, juste peut-être un informateur ici. Peut-être vous, je vous enseigne, est-ce que quelqu'un a des informations? Bonne question, parce que je dois avouer que si je gère bien les individus qui vivent par eux-mêmes, on va dire... Ouais. Remonter, genre prendre quelqu'un d'en bas et remonter tout en haut de l'échelle pour. Ça me semble suspect, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas. Je me vois pas aller vers quelqu'un et essayer d'avoir des infos sur sa propre hiérarchie, tu vois. Un peu chaud. Tout à fait. Donc déjà, tu peux éviter de parler directement aux membres de la guide. Ouais. Directement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie? Genre, ils ont un badge de guide? Alors non, le badge c'est réservé à ceux qui ont le luxe de perdre des ressources. Non, pour le coup c'est juste, ils se connaissent entre eux, t'as pas vraiment de façon de savoir. Maintenant tu sais que, par exemple, tous ceux qui gèrent les jeux, etc., c'est évidemment des membres de la guide. Puisque bon, vous le savez un peu, mais les jeux sont de temps en temps un peu faits pour qu'ils gagnent plus d'argent qu'ils en perdent. Mais tu sais qu'il y a d'autres services. Tu sais par exemple que au quatrième étage, comme on te disait, il y a les services de prostitution des demi-mondaines qui sont en fait généralement indépendantes. Elles ne sont jamais soumises directement à une guide. Pour vous donner une explication, ça c'est quelque chose qui est quand même assez connu dans l'univers. Du moins dès que on essaye d'apprendre un peu comment ça fonctionne. En fait, les prostituées. travaille avec une maîtresse, et cette maîtresse, c'est elle qui est liée à la guide. Hein. C'est-à-dire que en fait, les prostituées eux-mêmes n'ont jamais de contact avec la guide directement. Ça, tout passe par leur matrone, tout ça. Ok. Donc, par exemple, ce sont de bonnes sources, surtout quand certaines jouent sur à la fois des clients qui sont peu aisés, des clients aisés, ce genre de choses. Il peut avoir de quoi fournir. De l'autre côté, il y a aussi évidemment tous les clients hein, qui sont potentiellement connaisseurs de choses. À toi de voir ce qui te semble le plus intéressant là-dedans. Ok. Bon, eh bien, Esther, si t'as pas trop d'idées, personnellement, je serais bien d'aller au quatrième, parce que, de toute évidence, ça parle beaucoup là-bas, que ce soit les clients. N'était-ce pas là l'étage que nous avons déconseillé? Alors, on nous l'a déconseillé. Si nous étions de petite nature. Et t'es une petite nature. Or, nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Exactement. En route. Mon égo attaqué. Esther qui se met avancé, le menton droit. et d'ailleurs, en marchant les escaliers. C'est ça, c'est des escaliers pour monter. Oui. Oui. Je suis en train de me demander si je viens pas de subir la manipulation dite de Kornilov. Serait celle-là même utilisée contre l'homme que nous avons rencontré, oui. Rencontré tout à l'heure. C'est vrai que Kornilov a l'air de pas mal manier les mots. Hein. Vous montez à l'étage, on vous laisse rentrer mais sans aucun problème. Puis bon, de toute façon, une fois que vous êtes rentré dans la maison jeu, ça va. Et tout a été en fait construit en petite salle. Alors, quand je dis construit en petite salle, c'est avec les moyens du bord. Donc ça veut dire qu'on a pris ce qu'on pouvait pour cacher et former des petites salles. Et en fait, au centre, il y a une espèce de petit cercle dans lequel vous pouvez arriver et vous êtes accueilli. Pas d'ailleurs une dame toute sympathique, hein, vous voir. Vous cherchez quelque chose de particulier? Des informations. Jeune et blond. Si vous avez ça. Pour deux. Une nouvelle, si possible. Comment? Pour deux. Attends. Oui. Pour moi, oui. En tout cas, mais si... Oui, non, ça me paraît très bien. C'est bien. Pour consommer ou une autre activité? Oh bon. Oh, vous savez, vous pouvez le dire. Si vous êtes là pour consommer, je ne vous juge pas. Quels sont les gens avant d'autres activités que vous sous-entendez? Vous savez, je ne suis pas dupe, mais vous m'avez pas l'air très consommateur de mes filles habituellement. Et... Bon, vraiment, parce que je vous ai sûrement jamais vu, votre visage me dit rien, et on a tendance à très vite attirer les mêmes personnes. Mais ce qui me fait dire ça, c'est quand même vos allures. Vous avez l'air très propre sur vous, pour descendre dans une telle maison jeu qui se trouve en si basse ville. Moi, je dirais, à mon simple avis, que vous cherchez des informations. Bon, sur quoi, je ne sais pas, mais si vous m'en dites plus, peut-être que je peux vous trouver la bonne fille. Moyennant payant, bien entendu, hein. Ça fait partie de nos activités. Dans ma tête, je me dis, il faut se remettre à la technique Kornilov. Je me retourne d'un seul coup dans sa direction. Pour savoir si nous sommes actuellement piégés ou au contraire, que sa perspicacité va jouer en notre faveur. Est-ce que je sais, monsieur le MJ? Bien sûr, dis-moi. Si c'est vraiment le genre de choses qu'ils font, genre ils vendent des informations. Ou en effet, est-ce que c'est fiable ou est-ce qu'on va juste faire... Est-ce que c'est genre les pides de Genesis? Alors, sans être au point des pides de Genesis, mais tu sais que pas mal de prostituées, alors celles qui sont affiliées à des guildes, parce qu'il faut vraiment voir qu'il y a deux occupations, Il y en a ceux qui sont entre guillemets indépendantes, qui sont juste des gens pauvres qui essayent de vivre, et qui du coup vendent leur corps parce qu'elles ont que ça à faire. Ces filles-là, si tu essaies d'acheter des informations, elles risquent de pas savoir grand-chose. Mais les filles qui sont affiliées au guide sont la plupart du temps envoyées dans la haute société, et ce sont d'énormes sources d'informations, au point qu'en fait, pas mal de guides qui proposent la prostitution, je dis pas mal, ça veut pas dire que c'est le cas de toutes, hein, certaines s'y refusent, du moins officiellement, bien entendu, mais pas mal de guides, du coup, maintenant n'y s'y cachent même plus, et justement, capitalisent là-dessus, pour se faire plus d'argent, parce qu'avant, bah, tu pouvais juste aller la voir et avoir de l'information. Et du coup, certaines guildes se lancent à la vente d'informations. C'est quelque chose d'assez récent, mais c'est un phénomène, effectivement, visible dans la société. Okay. Du moins, Venise. Eh bien, je lui répondrai simplement, on les préfère causant, en effet. Ah, je me disais bien. Si bien habillé pour venir ici, ça m'étonne. J'aime pas qu'on me tienne tête. Enfin, je le dis pas. Hein. J'espère qu'il se vénère. Très bien, dans ce cas... Ouais, du coup, je regarde Kornilov en acquiescent. En mode respect. C'est vrai que Kornilov gère énormément bien ce milieu, au point où tu peux même commencer à avoir des doutes sur le fait que c'est juste un traversier qui est arrivé en ville. Il ment. Je me suis fait avoir par la technique Kornilov. En vrai, il y a de quoi se poser des questions parce qu'il commence à vraiment bien gérer ce genre d'informations. Dans tous les cas, elle réfléchit un peu, vous demande 2-3 questions, vous dit bon, quel genre d'informations vous avez besoin sans vous demander directement. Mais ouais, elle essaye de tâter le terrain pour savoir quelle fille vous envoyez. Elle vous dit tout simplement d'attendre dans une des salles à côté. Vous y installez. C'est vraiment petit et c'est juste un matelas, entre guillemets, même pas un vrai matelas. C'est un banc de fer qui est installé sur lequel vous allez vous asseoir. Et rapidement, une femme va vous rejoindre. C'est sympa. C'est sympa. Alors, effectivement, l'ambiance est assez sympa malgré le fait qu'on sent toujours le manque de moyens. Dis-je en repliant, tu sais, mon manteau pour le mettre sous mes fesses en le posant sur le banc. Non, trop pas confortable. Il y a une femme, du coup, qui vous arrive. Une femme brune, les cheveux tombants, bouclés. Et aux yeux bleus, assez gros, écartés. Assez éloignés du nez. Qui tout simplement arrive en tenue, bien entendu, mettant en valeur ses formes, mais sans être dans une totale vulgarité, bien entendu. Le but n'est pas là, c'est plus de se mettre en valeur que juste se montrer nu. Et s'assoit, tout simplement, elle arrive, s'assoit en face de vous. Alors, c'est vous deux. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Eh bien... Mmh. Dites-moi tout. J'imagine que Star est en train de m'observer. Non, en vrai. Dites-nous, quel genre de choses savez-vous quotidiennement? Oh, plein d'informations. Vous savez, je fais partie de celle qui a la chance, si on peut se permettre. D'être souvent en haute ville, ce qui me permet de côtoyer les deux milieux et de connaître les deux tableaux. Selon, bien entendu, la valeur de votre... l'importance de votre information, ça coûtera plus ou moins cher. Normalement, la madrone devrait vous en avoir parlé. Mais sachez que je suis pas mal renseigné. Posez directement votre question et je vous dirai si je peux faire quelque chose pour vous. N'ayez pas peur de... Bien entendu, tout ce qui est dit dans cette salle n'en sortira jamais. Eh bien, vous n'êtes pas très parlant. Vous semblez être d'accord. Disons qu'il est difficile de faire confiance aux gens de votre espèce, mais soit. Je vous prie. Très souvent, évidemment. J'espère que vous n'aurez pas besoin souvent... Êtes-vous au courant de certains trafics, voire... recel de fournitures volées potentiellement à d'autres guildes qui auraient pu avoir récemment. Préciser. Bon. Pour être plus clair, on a entendu parler que certaines personnes qui pourraient ou ne pourraient pas être énormément en lien avec cet établissement ont tenté d'empoisonner certaines bouteilles dans d'autres établissements. On et aimerait illégalement. Plus alors donc d'effraction. Et HRP, c'est difficile de se procurer les crimes. Il suffit de se baisser. Alors oui, il suffit de se baisser. En fait, le plus dur pour se procurer de les crimes, c'est le transport. Il faut avoir un matériel assez solide sur toi et qui va tenir la route où tu veux le tenir. Ok, qu'elle réfléchit. Je ne crois pas avoir entendu ce genre d'affaires, mais s'il vous faut des choses plus concrètes, parce que c'est quand même très vague ce que vous me demandez, si personne pour l'instant a parlé de guide sabotant une autre, si c'est bien de ça que vous me parlez. À vrai dire, non, mais si vous êtes plus au courant que nous, c'est peut-être que vous venez trop tôt. Je suis assez surpris, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus concret qu'une simple rumeur qui pourrait s'entendre n'importe où. Généralement, quand on vient de voir des personnes de notre genre, c'est qu'on a besoin de vrais détails, de croustillants, de... Je suis surprise. Allez, dites-moi tout. Et puis, même si c'est un rapport avec cette guide, moi, j'y suis pas lié. Moi, je travaille juste pour ma maîtresse. Je n'ai pas d'affiliation particulière avec eux. De toute façon, si je travaille pas ici, je suis en haute ville, donc... Et vous avez besoin d'informations. Bon, très bien. Dites-moi. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Nous savons, de sources sûres, que la guilde des robeuses a empoisonné les stocks de la distillerie des hurleurs. Oh. Mais là, c'est vous qui avez l'information, pas moi. Pourquoi vous... Oui. Tout ce qu'on souhaite, c'est toutes les confirmations possibles. Vous n'avez pas l'air forcément très surprise non plus à cette... Et potentiellement une manière de prouver ce qui s'est passé. C'est important, vous comprenez. Je sais pas, on vous a pas demandé de quoi que ce soit. Si votre jus c'est juste de résumer les rumeurs, ça me semble assez compliqué. Quelque chose me dit que peut-être on vous a demandé plus que simplement récolter des rumeurs. Et dans ce cas, je peux pas me trouver plus utile, mais... Justement, nous avons demandé de prouver ces dires. Eh bien... Comment ? Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais je ne peux pas inventer des choses. Ça serait ma réputation qui serait en jeu et tout bien, ce que je dois dire. Peut-être que déjà savoir qui a fait ça ou comment cette personne s'y est pris pourrait nous renseigner sur comment le prouver avec l'équipement nécessaire. Par exemple. Alors, vous êtes très mignonne. Et vous aussi, monsieur, mais vous êtes très mignonne. Mais nous sommes dans un cas où c'est vous qui avez l'information et pas moi. Je ne comprends pas très bien ce que vous attendez de moi. Soit vous voulez savoir quelque chose de précis, je ne sais pas, comment rentrer dans un bâtiment, l'emploi du temps d'une personne ou quelque chose du genre dont j'aurais pu entendre. Mais là, pour l'instant, vous voulez juste des rumeurs que vous pouvez entendre dans la ville dès que ça se fait connaître. Vous avez l'air, de toute façon, d'être les seuls à être au courant pour l'instant. Je suis très surprise de ce rendez-vous. Nous cherchons à les prouver. Mais dites-moi en plus, pourquoi vous voulez aller prouver, enfin, vous ne pourrez pas le prouver avec des rumeurs, si de quoi vous avez besoin de... Et c'est ce que je vous demande. Si vous soupçonnez la guide, je ne sais pas, rendez-vous directement au bureau du... Comment s'appelle-t-il? Flaminio. Flaminio Santo. Flamingo. Oui, voilà, merci. Et Flamingo qui gère cette guide et les distilleries. Si c'est Si c'est lui, rendez-vous directement dans son bureau. Et si vous avez besoin de savoir comment... La meilleure manière possible pour se faire tuer, non? Vous ne trouvez pas? Bah, il suffit d'être discret. Il y a des entrées, vous savez, alternatives. Il y a d'autres façons de s'y rendre. Mm-hmm. Continuez. Ah. Bon, une fois que vous posez des questions, c'est moi qui ai l'information. Si vous, jamais il vous vient à l'esprit de vous y rendre là-bas, sachez que proche de Pure, qui est une des deux distilleries jumelles, je suppose que vous savez déjà tout ça, oui. Y a une ruelle oubliée qui existe. Si vous voyez l'îlot désolé sur lequel se trouve bah, du coup la distillerie, du moins les distilleries, il y a énormément de bâtiments qui, en leur centre, se trouvent un marché. Et ce marché illégal, bien entendu, puisque c'est un marché noir qui permet d'acheter des choses moins chères. Je vous conseille d'ailleurs de vous y attarder. Si jamais, à sa sortie, vous prendrez l'idée d'aller à votre extrême droite hein, et de rentrer dans le bâtiment le plus délabré, il semblerait que ce bâtiment donne sur une arrière-cour, cette arrière-cour n'étant pas surveillée à cause d'une construction un peu moins gérée qui donnerait directement proche de la distillerie pure. Ok. Et si jamais vous êtes prêt à payer un peu plus cher, j'ai même une deuxième information sur cette distillerie même. Je jette un petit coup d'œil à Canela. Ouais. On est toujours prêt, à payer plus. Alors, figurez-vous qu'il y a un surveilleur, bien entendu, c'est une zone interdite d'accès, qui fait des rondes. Et ce surveiller a tendance à surveiller un peu partout. Mis à part cette ruelle, par manque de connaissance de son existence, il faudra juste que vous soyez extrêmement vigilant, hein, bien entendu, quand vous en sortirez, parce que c'est là que vous serez à découvert. Mais si vous en prendrez l'idée de... Bah, tout simplement, prendre en filature cet homme, sachez qu'il a tendance à rentrer par les entrées non officielles et un peu cachées de l'usine, ce qui vous permettrait de ne pas rentrer par la grande porte et vous faufiler loin de toute la sécurité habituelle. Cela peut être une bonne solution, en effet. Après... Je ne sais pas exactement ce que vous cherchez. Comme vous le savez, c'est une distillerie jumelle. Peut-être que les informations que vous cherchez se trouvent dans Garéen, et malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce bâtiment-là. S'il se trouve dans Pure, vous pouvez juste tenter de la façon que je vous l'ai dite. Ou alors peut-être essayer d'aller voir. Et avez-vous une idée dont nous pourrions... comment dire ? Deviner dans laquelle des deux se trouvent les informations, a-t-il où traite-t-il ses affaires? C'est une excellente question. Il faudrait quelqu'un qui soit vraiment très proche de lui. Si je peux me permettre, je connais quelqu'un du nom de Matagno, qui est un escroc travaillant pour la guilde, contre petits services échangés ou contre tabac. Il aime énormément le tabac. Si vous avez du tabac, vous pouvez l'acheter très facilement. Pourrait vous donner des informations supplémentaires. Il est plus proche que moi. Je n'ai malheureusement eu très peu de contact avec Flamingo. À l'inverse de lui, peut-être qu'il vous donnera les informations qui vous êtes tant chères pour trouver le bon bâtiment. Après, honnêtement, je pense que... mis à part ses gardes très privés et lui-même, l'information vous sera très dure à acquérir. Hein. Je pense qu'il faudra prendre un risque. Mais si vous jamais vous... Si jamais... il y a l'information, cela pourra vous être utile. Je fais de mon mieux, vous avez quand même demandé un sacré poisson. Les poissons n'existent pas. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, oui. J'aimerais bien, comment dire, vous n'éprouvez aucun remords à vendre ainsi quelqu'un qui finalement se trouve être plus ou moins votre supérieur hiérarchique. Mais c'est justement là notre point. Nous n'avons pas de supérieur. Ma seule supérieure, c'est ma maîtresse, celle qui vous a D'accord, vous indiqué. êtes donc parfaitement dissocié de la guilde pour laquelle vous Tout à fait. travaillez. Et ils en sont eux-mêmes conscients lorsqu'ils nous recrutent. Sachez que bon nombre de métropolites font appel à nos services. Et disons que l'argent qu'on ramène aux guides amortit les risques qu'ils ont à nous faire rentrer. Vous êtes sûr? Pourtant, l'information que nous pourrions délivrer pourrait être désastreuse pour le commerce. Elle pourrait même potentiellement déclencher une guerre entre deux guildes. Oh, Potentiellement. c'est vrai que maintenant que vous le dites, si jamais il s'avère qu'il y a vraiment eu, comme vous le prétendez, un sabotage de la part de Hagi sur une autre, les retombées peuvent être assez impressionnantes. Qui sait, Ce peut-être que que. vous allez changer notre marché. Là où je voulais en venir, c'est que, en effet, le marché va changer, sans doute, en tout cas peut-être, et que, il serait préférable que vous ne nous dénonciez pas, peut-être même pas à votre matriarche, que vous inventiez un sujet quelconque. Et en échange, nous pourrions revenir plusieurs fois. Bien sûr, mais on va. Qu'avez-vous peur que je dise à ma matriarche? Eh bien, simplement, si jamais la nouvelle que vous lui annoncez l'effraie et qu'elle préférait prévenir ce fameux Ah, vous avez peur qu'elle lui prête fidélité. Je comprends. qui paraîtrait parfaitement logique dans le sens où il, donc elle, aurait gros à perdre, peut-être même plus gros que ce que vous rapportez justement en compensation. Je peux comprendre ce que vous me dites, j'espère que non, mais il y a moyen de trouver accord si vraiment vous aurez prêté fidélité que je puisse avoir une clientèle. Qu'est-ce que Cornélo a l'air d'en penser? Moi, honnêtement, je m'en fous. Genre, enfin, je dis pas ça à haute voix, bien entendu. Genre, je donne vraiment l'impression que cette discussion a pris un tournant qui m'intéresse pas pour le moment. Genre, je l'ai sur mon visage. Dans ce cas-là, je vais courter en effet mettre fin à la discussion. À vous salue et repart. Vous pouvez du coup ressortir dans la salle et redescendre en bas. Même si vous le souhaitez, quitter la maison de jeu, sauf si vous voulez y faire autre chose, hein. Telle est ma question. Je pense qu'on a vrai tout à faire ici. Ouais, je pense qu'on a déjà assez de pistes. Hein. On en a plus ou moins. Oui, c'est vrai, tout à fait, on On a a, plus ou moins disons, tout là-bas. trois options, plus ou moins déjà. Donc. Ça, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Donc, ouais, en effet, on peut sortir, je pense. Très bien, bah vous décidez de sortir, il n'y a pas de souci. Retrouvez un peu quand même l'air de la rue, même si celui-ci est très, très pollué. D'ailleurs, il pleut maintenant depuis le temps que vous êtes rentré. Il faut savoir qu'il pleut énormément en plus sur la toile. Et votre soirée qui commençait si bien commence justement à tomber dans l'eau de pluie. En tout cas, voilà, les informations que vous avez eues, c'est que pour vous infiltrer, il existe effectivement des. Bah, tout simplement des accès. Vous avez eu notamment les accès sur la première distillerie qui s'appelle Pourré. Notamment via, je le rappelle, si jamais vous voulez reprendre note maintenant. Du coup, premier accès qui se trouve en passant du coup à l'extrême droite du marché dans un bâtiment abandonné qui donne une arrière-cour. Et un garde utilise des entrées et sorties non officielle du bâtiment afin de surveiller qu'il n'y a aucune intrusion, mais vous pourrez justement l'utiliser à son insu si vous en avez le courage. Pour l'instant, vous avez que ça sur votre infiltration possible dans le plan. Ou Là où vous alors venez de nous pouvons. passer un petit. Oui? Ce que je veux dire, nous avons également les qualités de le suivre lui-même. C'est ce qu'il vient de Oui, dire. tout à fait, oui. Le prendre en filature pour le suivre. Mais, oui, mais là, a priori, on peut également y aller sans le prendre en filature. Tout à fait. En fait, Comme la ça, je vais pas différence, devoir c'est que être. le l'accès qu'elle vous a donné, c'est pour arriver du côté de, la distillerie, mais ça vous garantit pas de rentrer dedans sans problème. C'est juste elle vous a donné un conseil pour pouvoir arriver dans la zone surveillée et un conseil pour réussir à rentrer dans la distillerie. Dans ce cas-là, y aller à deux serait judicieux. Pour le côté infiltration, ça nous aide, mais si jamais ça tournait mal... Effectivement. Sachant que vous pouvez encore essayer de récupérer d'autres informations. Encore une fois, il y a deux distilleries, il y a peut-être moyen d'essayer de trouver l'épingle du jeu entre les deux. C'est à vous de voir comment vous les composez. Vous pouvez très bien partir à tout moment. Essayez d'y aller. Je rappelle, parce que ce dialogue du coup est passé un peu compliqué, de façon compliquée. De toute façon, on va arriver en fin de session. Que votre mission à la base est de vous infiltrer. Et que malheureusement, comme j'essaie de le faire comprendre plus ou moins bien, les rumeurs suffiront pas. De toute façon, comme preuve, si vous avez demandé les disques phonographiques sur lesquels il enregistre des discussions importantes qui prouveraient ou pas, par son absence, une conversation parlant du plan de mise en attaque. C'est ça que vous cherchez. Je l'aurais dit parce que, comme j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu, je peux comprendre dans le replay, etc. N'oubliez pas que la preuve matérielle, c'est les disques phonographiques. Oui, mais si on ne sait pas des notes, ça va pas être des documents. Du coup, là, ma question, parce que je vois éventuellement le matériel pour transporter de l'écrim, ou c'est, même si c'est rare, c'est trop commun pour que ça puisse. Bah, non. C'est vrai que bon, tu. Ouais, il y a pas de chance. Après, tu vois. T'es dans le milieu d'une guilde, c'est des gens qui ont de l'argent, tu dis que c'est il y a moyen qu'ils ont investi. Après effectivement là, si tu serais en train de suspicionner une personne super pauvre toute seule, tu te dirais franchement c'est chaud. Faudrait qu'elle trouve ça. Mais c'est vrai qu'à un moment t'es dans un milieu où il y a de l'argent qui circule, tu dis que bon il y a moyen qu'ils ont investi un peu dans de la ressource pour pouvoir transporter de l'écrime comme ils le veulent. Mais ce que je veux dire, c'est jamais on arrivait à trouver le matériel même. Ah oui effectivement, si tu trouves par exemple je sais pas des sceaux qui ont été rongés par l'écrime, effectivement là tu serais dans ça serait une autre preuve matérielle effectivement qui suffirait. Je suis d'accord. Excuse-moi. Du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous continuez sur les pistes qu'elle vous a données, donc notamment le fait d'aller trouver Matagno, ou est-ce que vous dites que vous avez assez pour tenter une première infiltration et voir comment ça se passe. Je me sens discuter. Je sais pas, je suis dubitatif. On sait pas exactement sur quoi on va tomber. En tant que pour l'instant, vous avez eu qu'un seul informateur qui a eu une conversation un peu compliquée. En effet, Matagno, c'est peut-être pas débile, enfin, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Maintenant, finalement, on n'y est pas dans. Juste essayer de. Un petit peu. On a quoi comme info sur ce Matagno exactement? Déjà. Esther. Justement, pas grand-chose. Enfin, l'idée, c'est que. Il va peut-être pouvoir nous aider, mais. Ouais, mais faut savoir si on croise des informations, faut savoir par quel bout on va le prendre. Sinon, on risque de patauger comme avec l'autre là que presque fallait lui péter la gueule. Non. Si on arrive et qu'on lui dit, tu sais comment on rentre là-dedans, et qu'il est trop. Ouais. Non, ce que j'allais dire. Est-ce qu'on pourrait pas appliquer la technique Kornilov, mais pas celle de manipulation, mais celle de. On se fait passer pour un nouveau employé à son premier jour. Tu sais, tu m'en avais parlé. Ouais. Que t'avais toujours rêvé de faire ça. De passer un peu pour le nouvel employé modèle. Bah, j'aurais bien aimé, mais vraiment. Je manque d'informations rien que pour faire ça. Ouais. Après, ce que vous pouvez faire, c'est passer un petit temps dans les milieux pour vous renseigner un peu sur Matagno. On peut le faire en ellipse, parce que c'est pas non plus dérangeant, vu que là, vous informez sur un informateur, je vais pas vous faire toutes les étapes d'information. Ça peut être un peu long, je peux comprendre. Et si vous voulez, on peut juste du coup aller faire une ellipse et voir les informations que vous avez réussi à avoir ou pas sur ce Matagno. Est-ce que ça vous intéresse si on le fait comme ça? L'ellipse peut être intéressant dans ce cas-là, étant donné qu'en effet, il est déjà 23h50. Oui, effectivement, mais c'est pour ça. De toute façon, là, j'enclenche déjà la fin. C'est pour ça que je me suis permis de reposer la question. Y a pas de souci. Je vais juste demander, du coup, que vous me fassiez un petit jet. Bah oui, mais c'est toujours les rumeurs, hein. Ça va être toujours Urba Technology pour avoir les rumeurs de la ville. Hein. Sachant que vous avez un bonus que vous savez très bien de qui vous parlez, de plus 2. Et que vous Super. Êtes dans le milieu. Bon. Avec ce bonus, plus 3. J'arrive à avoir 6. 7 du coup. Non, 6. Non, 7 parce que j'ai dit plus 3 finalement. Parce que vous connaissez 7. Et vous êtes dans le bon milieu. Donc je vous mets un petit plus 7. 16. Du coup, c'est un test 2. J'ai dit Urba Technology, c'est pour connaître les rumeurs. Ok. Donc, les informations que tu as eues, c'est que Matanio, c'est un escroc qui, en fait, a réussi à jouer sur plusieurs plans et en gros travaille pour 3-4 guildes en même temps, quoi. Il a vraiment réussi à s'en défaire, c'est-à-dire que normalement, un escroc est censé travailler pour une guilde et travailler que pour elle. Matanio, c'est vraiment l'agent libre qui fait ce qu'il veut, quoi. C'est vraiment le mec qui a réussi un peu à s'imposer dans le milieu des guides comme ça. Parce que c'est quelqu'un de très talentueux dans son domaine. Et vous savez que voilà, c'est qu'une personne qui est très vantard, très parlant et très direct. Voilà, et qui a tendance à assez peu passer par 10 000 chemins. C'est-à-dire que quand il veut faire un truc, il le dit directement, etc. etc. Je sais pas, est-ce que vous avez besoin d'autres styles d'informations ? Je suis un peu lancé. Je peux vous y répondre. Si vous avez des questions précises, je considère que vous aurez pu la poser. Ouais, mis à part s'il y a un truc, genre quelque chose avec lequel on peut faire pression sur lui, je pense que je n'ai pas besoin d'autre chose, s'il n'y a pas ça. Pour le coup, c'est un homme qui est plutôt en situation de force vis-à-vis des guides que l'inverse. Donc c'est vrai que ses points faibles ne sont pas très présentés. Mm-hmm. Parfait. Du coup, si cela vous va, on va considérer que ces informations vous avez voulu récupérer, vous dites c'est bon, et vous allez vous mettre en route du coup pour retrouver ce fameux Matanio suite des indications de vous données par Anaï. Vous du coup, vous avancez dans les rues, etc. Jusqu'à tout simplement tomber. Non pas par hasard, mais sur quelqu'un qui vous cherche, et ce quelqu'un, bah, vous le connaissez plutôt vite. À son teint un peu blafard, mais beaucoup plus coloré que précédemment, qu'évidemment Hugo, vous faisant quelques gestes. Ah, vous êtes là. Bon, je me sens un peu mieux, j'ai parlé avec Ellie. Ok, parfait. On a réussi à récolter des informations également. Parfait. Et... alors que tu as lui donner tout ce que vous savez, etc., et remettre à plat un peu votre plan, chose qu'il faudra faire de toute façon. Donc, c'est là pour ce soir.